Vous suivez Papa Cassette et désirez m'encourager dans le développement de mes multiples projets? Devenez Patreon! patreon.com/papacassette. Bonsoir à tous et bienvenue à l'épisode 166 de Chez Papa Cassette! Et on s'en va tout de suite voir les numéros, mesdames et messieurs. Pour le numéro 16, il y en a trois. Ah non, on les a faites, les trois légendes. Ouais, on est pris avec les 16. Je pense qu'il faut faire le 1 et le 6 maintenant. Faut retourner dans les 1, ça, il y en a beaucoup. On y va avec Ron Tongnut, mesdames et messieurs, qui a eu une petite run avec le Canadien. Je ne me rappelle même pas qu'il a joué le Canadien. Ah, ouais. Un an, 94-95. On se rappelle plus de lui avec les Nordiques, par contre. Oui, effectivement. Et qui, chez le Canadien, a eu le même numéro que Mario Lemieux? Il y en a eu zéro. Personne chez le Canadien a eu le numéro 66. Ah ouais, OK. C'est-tu parce qu'il est retiré pour tout le monde? Non, comme je pense pas. Non? OK. Bon, ben, guys, ça arrêtait avant, oui. Il aurait pu en avoir avant que le mieux. Ben oui, avant que le mieux existe, tout court, en fait. Mais non, il n'y a aucun dans mon database. Fait qu'on est cassé aujourd'hui, on n'a pas regardé d'avance. Fait que c'est ça. C'est ça. Ben, attends, on va faire un 6-6. Il n'y a pas de numéro 166. C'est bon, ça. On peut faire un 6-6. 1-6-6? 1-6-7. On peut en faire 3, je vois. Ah ouais, pourquoi on en fait rien que 2? Est-ce qu'on pense pas à ça de non, boxe? Non, on pense pas. Ah boy. Alors, en 1918, le premier qui a porté numéro 6, Jack Laviolette. Et on va y aller aussi avec une autre légende, l'excellent Howie Morenz, dont un aréna porte son nom à Montréal en 1926. Ben voilà. Et voilà. Ça va bien, Jean-François? Ah, oh, ça va. On survit. On survit, ouais. Ouais, toi? Ouais, fatigué. Grosse journée de travail chez Retro MTL aujourd'hui. Ouais, hein? Ouais. Ben, on t'a pas donné grand ouvrage. Non, j'ai tout fait en amont, en fait. Exact. Aujourd'hui, c'était assez calme, là. Fait, je faisais mes affaires, mais ouais. Oui, c'est ça. Parce qu'il faut qu'on aille chercher de l'information sur un autre dossier dormant depuis des mois qu'on est rendu à faire. Là, on rapatrie les dossiers, puis c'est tout moi qui mets sur mes affaires, puis qui repogne ça, puis qui renippe, puis qui revend, puis qui rachète. Qui retourne au bout de deux semaines. À toutes les deux semaines. Toutes les semaines, on renippe un projet, puis on le renvoie. Exact. Des gens dans le chat, dont des first time chat, Michael Belmont. T'es-tu un des descendants Belmont? De Belmont? Hein? Chris, c'est-tu le dernier Belmont, ça? Le dernier des Belmont. C'est-tu un vampire? Hunter, c'est merveilleux. Milter, salut Milter. Milter qui Jim, est là. Finger Cut qui est là. Non, Jim, mon t-shirt n'a pas rapport avec la série de Netflix sur les expos. T'es sur des expos en ce moment. Juste parce que j'ai pris un t-shirt un matin en catastrophe. Il fallait que j'aille pour mes pneus. Fait, je me suis grouillé. Mais on en parlait, puis il paraît que c'est une très bonne série. Oui, puis aussi props aux Jays qui sont en série mondiale. Donc voilà, c'est toute la folie du baseball en ce moment. Exact, c'est très excitant. Le seul moment où que le Canada est uni, c'est quand les Blue Jays sont en série mondiale. C'est ça. Moi, je marche dans la rue. Hey, on est supposé haïr Toronto. Mais pour le baseball, c'est la seule qui nous reste. Je sais bien. Là, je niaise, j'haïs pas Toronto. C'est une ville belle. J'haïs pas les Leafs. Là. C'est j'haïs pas les Anglais. Il y a rien que j'haïs. Là, c'est... Moi, la haine contre les Leafs, et contre... Ben, c'est un peu plus, là, mais contre les Leafs, c'est de la bonne guerre. C'est... Ouais, ben, tu sais, quand... Je suis rendu que j'haïs plus Ottawa que les Leafs en ce moment. Là. Ouais, ben, même Boston. Boston, aussi, c'est, ça, c'est pour toujours, là, par exemple. Là. Ouais. Mais tu sais, mettons, on perd contre eux ou on perd contre... contre les mammouths de Utah. Tu sais, moi, on les a perdu. Je suis pas plus blessé de perdre contre Toronto que contre les mammouths. Non, c'est du sport, c'est pas mon. Exact. C'est pas moi qui joue, là. Ouais, moi, j'ai pas ça, en fait, les hosties canadiens, tu sais. Non, non plus, les là. Hosties de telle équipe, tu sais. J'ai jamais eu ça. Je suis content quand les Nordiques existaient, j'étais jamais à les hosties. Ah, moi non plus, là. Je suis très content quand les Leafs se font sortir en première ronde parce que c'est une tradition annuelle maintenant. Ouais, on rigole un peu. C'est juste pour rigoler, là. Ouais. Ben oui, le CH qui torche en début de saison, effectivement. Gros début de saison de tout le monde en ce moment-là. Absolument. C'est très excitant. Puis, parlant de grosses nouvelles qui se passent, je vais commencer l'intro en parlant de l'Intellivision Sprint. Ah oui. Tu peux peut-être mettre... C'est ce que tu je peux aller direct sur le site Atari.com et puis la bannière d'accueil est l'Intellivision Sprint. Et puis, tu peux cliquer là-dessus. Il y a des vidéos, des images. Donc, dans le dernier spectacle, il y avait un auditeur... Non, dans le dernier spectacle, je parlais de Intellivision qui avait envoyé une infolettre. Et puis, j'ai acheté des jeux de l'Amico. Ah, excusez, je dis des faussetés. C'est Amico qui a envoyé une infolettre. T'as raison. L'Intellivision, ça appartient à Atari. Atari, ils ont acheté le nom et la librairie. Mais pas Amico. Exact. Ils ont acheté tout ce qui restait d'Intellivision. sauf des 2-3 jeux, dont Intellivision, avait vendu les droits. Et ils ont tout acheté, sauf l'Amico. Fait que l'Amico, c'est l'Amico. Donc, ce n'est plus Intellivision Amico. Donc là, on parlait de l'Amico, mais on se disait, hey, qu'est-ce qui arrive? Pourquoi Atari? Pas une Intellivision plus, on parlait de ça, justement. Ça. Atari fait rien avec Intellivision, puis ils ont acheté ça. Ça commence à faire un an ou quelque chose. Fait que là, c'est fait. Donc, ils ont annoncé la console Intellivision Sprint. C'est un même modèle que l'Intellivision 1, donc avec le bois en avant. Ouais, ouais, ouais. Je rappelle qu'il y a eu 4 modèles d'Intellivision. OK. Le modèle comme ça, en bois. Après ça, l'Intellivision 2 était plus petite, plus carrée, grise, au look un peu futuriste, pointu. Après ça, la INTV System 3. Ils sont revenus au modèle 1, mais avec une bande en métal en avant. Et ensuite, la même chose, mais le système Super Sports. C'est ça, Super Sport? Voilà. Donc là, déjà, t'envoies 3. Là. À gauche, c'est la 1. Ensuite, c'est la 2. Ensuite, c'est la 3, la INTV. Et puis la Sport, c'est elle que j'ai chez nous. C'est la dernière. Elle est juste écrit Sport dessus. Là. La Super Pro System Sport, avec la boîte. Ça, c'est le dernier modèle. Il y a eu 4 modèles, dont 3 sont identiques, à part ils ont changé le bois pour autre chose. Et puis, pourquoi je dis ça? Ouais, parce que la Sprint reprend le modèle du premier, les manettes, les couleurs, absolument tout. Je pense qu'elle est un petit peu plus petite. Puis, c'est magnifique. C'est magnifique. Et puis, les manettes sont wireless et puis elle est built-in avec 45 jeux. Ils ont des bons jeux là-dedans, et dont Shark, dont ils ne possèdent pas les droits, mais ils l'ont comme license pour ça. T'sais, ils payent. Je sais pas à qui ça appartient, fucking Shark. À qui ont vendu ça? Tu les jeux disponibles aussi? Ah non, ça c'est le pre-order. Ça c'est le pre-order. Oui, la liste. C'est pas bien, c'est du scroll down. Il y avait d'autres. Un petit feature. Oups. 45 built-in, ils disent pas. Ouais, non, bon, on n'a pas full game list. Ok. Armor Battle, Astro Smash, gros classique, Auto Racing, là, t'as B17 Bomber, c'est un jeu qui fonctionne avec l'IntelliVoice, okay. Je pense, c'est ça, l'IntelliVoice, tu pluguais ça sur ta console, puis ça parlait, genre, B17 Bomber, fait que là, moi, j'aurais souhaité qu'il y ait un IntelliVoice built-in dans la Sprint, ben, peut-être, mais sinon, faites-en un, Baseball, Body Slam, Super Pro Wrestling, Bomb Squad, Balder Dash, qui est un third party, qui n'est pas fait par la télévision. Bowling, Buzz Bombers, c'est très bon. Chip Shot, Super Pro Golf. Deep Pockets, un jeu de billard. Frog Bug, un classique. Golf, Hover Force, King of the Mountain, Motocross, Mountain Madness, Super Skiing, Night Stalker, gros classique. Pinball, River Sea, Sea Battle, Shark, ils ont payé pour l'avoir là. C'est quoi, non? Ensuite, Slam Dunk. Après Slap ça. Dunk. Slap Shot Hockey. Super Pro Hockey. Snafu. Oui. Soccer. Space Armada. Space Battle. Space Spartans. Spiker. Le Holy Grail de la télévision. Spiker, le jeu qui vaut le plus cher. Okay. Le jeu de volleyball, c'est lui qui vaut le plus cher. Des milliers de dollars. Stadium Mud Buggies, que je possédais. Star Strike. Sub Hunt. Super Pro Décathlon. Super Pro Football. Takeover. Tennis. Thin Ice, qui est un excellent jeu. Ça me rappelle Pengo un peu. Okay. Thunder Castle, très, très bon Thunder Castle. Je l'avais critiqué à Retro Nouveau. Tower of Doom, c'est très bon aussi. Triple Action, Triple Challenge, Chess. Checkers, puis Backgammon, Utopia et le très weird Vectron. Alors voilà. Une liste correcte, m'a te le dire, drette là. On m'a te dire ça, drette là. Et puis, Finger Cut, il demande c'est quoi la différence entre Intellivision et Coleco. C'est très différent. Fait que je peux pas partir là-dessus. C'est deux machines. Et puis aussi, ça vient avec des petits overlays qu'on peut glisser dans la manette, comme à l'époque. Ils ont répliqué le design original. Ça, c'est très hot. Donc, tu as 45 paires d'overlays pour aller avec tous ces jeux-là. Ouais. Quoi qu'à l'époque, il y en a peut-être pour. Il y en a qu'il n'y en avait pas dedans aussi. Ah ouais, dans les late release, peut-être qu'il n'y en avait pas, genre Spiker, Stadium Mud Buggies. C'était rendu INTV, rendu là. Mais voilà. Alors, et non, mesdames et messieurs, cette console ne lit pas les cartouches. Donc ça, c'était un gros turn-off. Ouais. Parce qu'on voulait que ça fasse comme la 7800 plus et la 2600 plus. On voulait mettre des cassettes là-dedans. Mais pourquoi ils n'ont pas choisi de faire ça? C'est-tu parce qu'ils sont rendus trop rares, la télévision, par rapport à du Atari? C'est-tu rendu trop vieux? C'est-tu ça leur thinking? Ou... Non, même l'Intellivision est plus récente que l'Atari 2600. Okay. C'est sorti après. Il y a des jeux à Intellivision partout dans la nature. Ça traîne ici et là. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça. Mais la fois que je vais te dire, c'est que probablement que ça va marcher comme les NES Mini. Ils vont être à câble par le USB en arrière de Power, j'ai l'impression. Oui, ben j'ai regardé. Je me suis renseigné. J'ai regardé des vidéos YouTube et puis il y avait une chaîne YouTube, c'est genre The Intellivision Gamer ou quelque chose. Il était live avec un gars de Atari. Okay. Pas live, mais il y avait une capsule avec un gars d'Atari qui était à un expo, qui démontrait comment marchait cette machine-là. Et puis, il y avait une clé USB avec des ROM dessus. Il l'a juste branché dans la machine. Puis, dans l'interface, c'est prévu à cet effet, pop. Pop les jeux direct là. Il n'y a pas de pochette, mais ils sont tous énumérés. OK. Fait que c'est comme... Il y a des jeux built-in, puis ils vous mettent disponible. Si vous voulez en mettre une clé USB, vous pouvez tout jouer ça avec la machine. C'est ça qu'ils font présentement. Fait qu'ils s'en sortent de même. On a un autre first-time chat. Oh, King Wallop, first-time chat, qui nous dit « Ça sent l'envie de vouloir profiter rapidement de leur nouvelle licence après l'intellivision et pas si connue en dehors de l'Amérique du Nord. » Bah, profiter rapidement. Moi, je pense même pas qu'ils font tant d'argent avec ça, là. Je trouve que l'achat d'Intellivision par Atari, c'est comme emblématique. On achète notre plus grand compétiteur de l'époque. Exact, de l'époque. Puis ils ont beaucoup joué là-dessus quand ils ont lancé la Sprint. Ils montraient ennemis. Ouais, maintenant, idée, c'est cool. Puis ça a été bien launché. C'est sympa. Moi, c'est le prix qui me fait mal un peu. Là. Ben, je voulais y venir parce que ça coûte cher. C'est 212$ canadiens. Et bien sûr, il faut l'acheter sur Amazon, parce que je rappelle qu'Atari est une compagnie européenne on ne peut pas commander directement sur leur site. Alors, plus taxes, plus shipping, on doit s'approcher certainement du 270$. Si c'est pas 300, ouais. Si on se rend pas au 300. Pour une console qui est finalement une Intellivision Flashback, et ça l'a déjà existé, de luxe, je peux dire. Quand même, ça va être le vrai brand solide à Intellivision qui est écrit dessus, backé par Atari. C'est la vraie affaire. Tu peux pas avoir plus vrai que ça. C'est une console Intellivision. Ça va être solide, ça va être propre, mais ça va être quand même un peu dispendieux. Là, pour les jeux qui sont à jouer là-dessus, effectivement. Là, mais ça m'intéresse, par exemple. Ben, ça m'intéresse aussi, mais d'un autre côté, chez moi, j'ai déjà une multicœur. Ce que j'ai pas. C'est, avec une console Intellivision. J'ai tous les jeux sur une Intellivision normale. Mais j'aime bien avoir les manettes wireless comme ça, par contre. Là. C'est le fun, ça. Puis moi, mes boutons sont hyper durs à peser. C'est rough. Fait que j'imagine là-dessus, ils sont peut-être améliorés. Cliquables. Là. Ça doit être plus agréable. J'espère qu'Eli va en acheter une et l'amener au WEC. Oh, il a probablement déjà commandé. Sûrement qu'il l'a déjà commandé. C'est ça. C'est ça. Puis, ça sort quand, cette affaire-là? C'est sorti, ok. C'était pre-order. C'est des pre-order, c'est vrai. On va remettre le... C'est pas disponible encore. On va aller voir, pre-order. Tu peux pre-order that shit. Et puis... Il n'y a pas de date? Si tu vas au check-out, ça va peut-être te dire... 425? Non, t'en as pris deux. Ok, j'étais comme collé. T'en as pre-order deux. Bon, chacun une, JF. Ah oui, on va mettre ça à la table. On va mettre ça à la table. On va le voir, on verra pas le prix, là, mais... Ben, il devait une petite notif, là, quelque part. Non, mais il va... 10$ de taxe, mais il va le shipping qui va coûter, genre, 112$, là, probablement. Ouais. Bon, en tout cas, fait que... on sait pas quand est-ce que ça va sortir. Tu peux regarder sur Amazon. Ben, où je vais taper, là. Et à Télévision Sprint. Ouais. Décembre... Early December 25. Ah, OK. Fait que, au début décembre, juste à temps pour mettre en dessous du sapin. Ben, okay. Si tu pré-order maintenant, tu peux en mettre en dessous de tous les sapins au Québec. À moi de moi. J'ai vu du monde faire sur Internet des cartes, des adapteurs pour jouer les cartes que tu brancherais USB. Je sais pas si un USB est capable d'avoir assez de puissance pour faire transférer le data d'un carte de même. Ça doit être. De télévision, ben oui. Il n'y a rien là-dessus. Genre 3 octets. Genre les plus gros jeux. Là. C'est ça. En tout cas, qu'est-ce qui va se passer avec ça? On va suivre ça avec intérêt, comme d'habitude. Exact. Puis ce que j'aimais aussi, c'est que c'était mentionné sur le site d'Atari que c'était la toute première console à télévision. Ça veut dire qu'ils vont peut-être en faire d'autres. Ils vont sûrement en faire d'autres, les modèles, en fait. Peut-être, là. Je sais pas, hein. Parce que rendu là, tu sais, tu changes ton casing puis l'intérieur est le même, là. Oui, Mais tu sais, mettons, Atari, la 2006 puis la 7008, à l'époque, la 7008 était plus forte. Mais là, toutes les consoles en télévision ont exactement même force. Tu gardes l'intérieur puis tu fais juste changer ton wrapping à l'entour. Ben là, voici quatre modèles différents. Collectionnez-les tous. Qui voudrait toutes les acheter? Qui va payer 250 piastres canadiens pour ça? Pour toutes, tu sais, c'est ça. Là, fait que peut-être qu'une prochaine aura un cart... peut-être, un cart reader. Un cart reader disponible ou je sais pas quoi. Fait que j'espère qu'ils vont en vendre beaucoup pour que le brand Intellivision grossisse chez Atari. Puis... on verra bien, là. Et toi, c'est ce que King Wallop dit dans le chat. Les intérêts, c'est au moins que la marque continue à vivre après le fiasco de l'Amico. C'est pas fou, oui, là. On est tous d'accord avec ça. Puis moi l'Intellivision puis l'Amico, j'étais là-dedans 100% parce que je trouvais ça d'un drôle, mais j'y ai jamais cru. J'y croyais au début, avant qu'on voit ce que c'est. Puis là, quand on a vu l'Amico, le modèle, j'ai comme, c'est lettre. Ça fait quoi, genre 7 ans de ça qu'on parle de ça? C'est ça. Puis, mais là, quand on a vu commencer à voir les jeux puis tout, là, puis l'explication, là, je suis comme, OK, non, c'est... Oh, il a joué, on a joué à Shark, on a été très déçus tout le monde. Ah oui, non, c'était une vraie farce, tu sais. Mais oui, tant mieux pour que... Merci à Atari d'avoir fait le bon move, d'avoir acheté ça, puis d'essayer de garder ça en vie. Ramener la noblesse de ces vieux jeux-là. Absolument. Fait que si j'étais assez sous dans le REM ou dans le métro à un moment donné, avec mes grosses paires Retro MTL, je me commanderais ça, là. Si tu peux dépenser notre argent pour des beaux produits comme ça, ça va me faire bien plaisir. Si vous me payez puis je l'achète pre-order ici, ça vous revient, c'est comme du réinvestissement. Ah, si on pouvait offrir ces produits-là, pour vrai, j'aimerais bien ça, mais on peut pas parce qu'on peut pas les acheter à la source, tu sais. Fait qu'on va pas les acheter sur Amazon puis payer du shipping pour les revendre, tu sais, on va perdre. On peut les acheter à la source, on peut juste faire des contacts, etc. On n'a pas de ça, nous autres, des contacts chez Atari. On en a, mais comme je te dis, c'est outre-mer. Je sais pas si notre ami a la force de... Bon, on va leur parler, moi, à ces Français-là. Ou... Tu ne pas les Français, là. Oui, je pense que c'est un Français, là, le CEO. Mais envoyez-nous une petite vingtaine, là. Je suis sûr qu'on est capable de bouger ça rapide, là. Mais faut mover des units, GF. On va en bouger de la unit. Enfin, parlant de mover des units, dernière chose en intro, on est allé, nous, Retro MTL, et vous avez vu, j'avais une publication, et je suis allé aussi la semaine dernière, visiter le plus grand EB Game au monde! Ah, j'aurais pris de l'écho là-dessus. Oui, c'est ça. J'ai oublié de te dire que j'allais faire ça. Mais ils disent au monde, et c'est vrai, parce que c'est le plus gros au monde. En superficie? Pas en vente, certain, parce que on le sait pas encore. Ah. Je vois qu'il y a des gens mélangés, là. GameStop est une compagnie américaine. Et puis, moi, je me trompe, là, mais je pense pas. GameStop américain, eBay Games canadien? GameStop, il y en a en Europe, il y en a en Amérique. Ben, aux États-Unis, puis au Canada. Et puis, là, au Canada, ils ont appelé ça eBay Games pendant un bout. Et puis là, c'était revenu à GameStop il y a une couple d'années. Personne ne sait pourquoi. Et puis là, après ça, ils ont décidé de vendre le Canada et de vendre les Europes à quiconque. Alors, c'est un Québécois qui a acheté ça. Ouais. Et puis, celui qui a Import Dragon. J'ai tout déjà dit On a déjà parlé de ça. J'ai déjà tout dit ça. Alors, il a acheté ça, puis il a rappelé ça à EB Games. Il ramène ça aux sources. Bon. Puis il dit, ça va être pour les gamers, plus, mais aussi plus de tout, puis blablabla. Puis ça va être parfait. Et puis, ils ont annoncé l'ouverture d'un flagship ici à Montréal. Donc, le plus gros des EB Games. Et puis, EB Games, ce n'est que canadien maintenant en passant. Mais quand ils disent c'est le plus gros au monde, ça demeure vrai. Alors, ça, c'est drôle. Et puis, moi, je suis totalement du genre à faire ça aussi, puis à dire des grosses affaires demain. Et puis, fait qu'on est allé. Et puis, dans l'annonce, il disait il va y avoir des affaires de collection. C'est le plus gros. Il va y avoir des événements. Et puis, ils ont dit qu'il allait avoir des jeux rétro aussi. Mais en petit, puis genre, on en a parlé dans le show aussi, en petit à la fin, tu sais, c'est pas leur flagship, c'est pas genre, hey, du rétro! Venez ici pour le rétro. Ça, et peut-être du rétro. Exact. Ben, ils ont pas dit peut-être. Mais il va y avoir du rétro. Ouais. Fait qu'on est allé visiter, puis il y en avait pas. Okay. Et puis, j'ai vu une capsule TikTok de quelqu'un qui filmait ce qui s'apparente à un dirigeant là-bas. Là. C'est pas le propriétaire, je sais quoi il y a de l'air, mais ça semble être quelqu'un. C'est un bonhomme. Un monsieur. Puis il a dit que ça allait venir. Alors, quand est-ce que ça va venir? Personne le sait. Il y en aura-tu? C'est toujours l'inventaire, le problème pour le rétro, là, on le dit souvent. Mais il faut qu'il commence quelque part. Il faut qu'il en accumule de l'inventaire. Ou peut-être leur rétro va-tu être genre juste basé sur les rachats qu'ils vont faire de crédits de magasin? Là? ça n'a pas le choix. Pourrait, là, c'est de même qu'il faut ramener leur matière première. Mais bref, le magasin était très grand, très, très, très beau, aéré. Mais il n'y avait pas beaucoup de choses, mais c'était très grand. Ouais, ouais. Ça fait penser, comme on dit, à un Apple Store ou un Nintendo Store à New York. C'est un vase avec rien, des tables. Genre, là, c'était vraiment ça. C'est un flagship store. Ouais. Exact. Et puis, section Pokémon, tout le kit. Là, Oui. Beaucoup de merch. La chose qui a le moins dedans, c'est des jeux. Non, mais c'est vrai. On a, ici, chez Retro MTL, on a bien plus de sélection de jeux Switch que. Ouais, mais eux autres, comme tu dis, sont des jeux neufs avec à peu près pas de marge pour faire du profit. Fait qu'il faut qu'ils fassent leur argent ailleurs avec la merch. Oui, absolument. C'est... Eux autres, les jeux, ils font. C'est l'affaire avec laquelle ils font le moins d'argent, je te le garantis. Puis là, c'est Import Dragon. Ils mettent leurs affaires direct. C'est comme un magasin d'Import Dragon, au final. Fait qu'eux autres, ils mettent ça direct là-dedans. L'argent est là. Ouais. Les jeux, ils font pas une scène avec ça, là. C'est sûr et certain. Mais bon, c'est EB Games, ils ont pas le choix de le maintenir. Ils sont connus pour ça. Mais je veux dire, c'est normal qu'il n'y ait plus de jeux dans EB Games. Il n'y a plus de jeux physiques qui se font de moins en moins. Ça coûte cher, le monde n'aime pas ça, ils achètent digital. Eux autres, le digital, ça les heurte pour vrai. Ouais. Pas nous autres. Mais c'est ça. Fait que c'était très grand, très propre, mais très vide. T'sais, pas beaucoup de skew. Mais j'aime ça, la pureté. Oui. Mais je regarde ça, je me dis, man, comment est-ce qu'ils vont payer le loyer? Là? Parce que c'est au cours Mont-Royal, qui est un centre d'achat ici au centre-ville de Montréal, souterrain, dans la trolley, dans le pain de centre d'achat. C'est une fortune. Genre, c'est quand même le centre d'achat le plus laid et abandonné. Okay. Là, comme ça a déjà été hyper prestigieux, l'Éco Mont-Royal. Et puis maintenant, c'est à l'abandon, tu sais, c'est dégueulasse. Mais ça doit être moins cher à cause de ça. Et puis, il y a l'arcade Three Monkeys qui est juste en dessous. Okay. Ça, c'est une arcade là, de gogos, là, de jeux, de coupons, puis de gugus. Il y a des allées de quai, puis un bar, puis tout ça. Mais tout ça est très tacky, tout ça est très cheap, là, tu sais. Okay. Vraiment pas mon genre de vibe, là, tu sais. C'est zéro, là. Il n'y a aucun jeu vidéo dans cette arcade-là. Des arcades à tickets, pasteur, puis un jeu d'adresse qui te donne des tickets pour avoir un crayon pour 10 000 tickets. Là. Que ça, tu sais. Gros éclairage, néon partout. Mais c'est bien la mode, genre. À Brossard, il y a genre un affaire avec des crane machines, pas des cranes. Les cranes. C'est genre, ce n'est que ça, la business. Mais voyons, le monde qui vont là. Ah ouais. Moi, je prédis, man, 4 ans de vie de ces affaires-là. Genre, puis après, c'est terminé, là, tu sais. Fait que, c'est ça. Venez ramasser vos toutous ici dans la machine, en bas. Ben, tu sais, nous autres, on la paye pas, cette machine-là. Non, mais ça, c'est pas. Puis le Nordstar, ils en font de l'argent avec ça. Ils en ont des crane machines. On a gaspillé une couple de pièces au Nordstar à essayer de pogner des affaires à jamais réussir. C'est ça. Puis j'ai demandé, parce qu'on a une chez Retro MTL, une machine crane de même, j'ai demandé au gars du Nordstar, tu sais, puis la machine, elle, toute seule, elle paye bien plus que toutes les arcades qu'il y a dans et pinball qu'il y a dans voûte, tu sais, par mois, là, tu sais, juste elle. Fait que c'est super populaire. Puis c'est bien correct. Tant mieux, le monde font de l'argent, moi, je suis bien content. Le monde sont contents d'être là aussi. Le monde vient de jouer puis ils veulent. Si ça fait de l'argent, c'est parce qu'il y a une clientèle pour, fait que tant mieux. Exact. Puis mes clients sont contents de jouer à ça. Ben voilà. Fait que c'est ça. Donc, le EB Games, c'était très beau, mais c'est tout, tu sais. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire, là. Mais, tu sais, ça peut pas être grand puis très vite de même, si je peux dire, pour toujours, là, tu sais. Ben non, faut que tu rentabilises ton espace, là, maintenant. Exact. Fait que, tu sais, ils vont faire... Moi, je pense qu'avant longtemps, ils vont faire des événements, beaucoup. Puis je suis sûr qu'ils vont rentrer plus de stock aussi avec le temps. Fort probable. Avec le temps. Puis le rétro va suivre éventuellement. Fun fact, j'ai aussi le propriétaire était là, vrai propriétaire, hier, quand on est allé. Et puis, il parlait avec quelqu'un, un monsieur puis une femme, tu sais, de 60 ans, là, mettons. Mais tout le monde très corporate, là, puis ils parlaient beaucoup, tu sais. Okay. Il a fait faire tout le tour du magasin. Là, moi, Martine puis Joe étaient partis, moi, j'étais resté tout seul. Je voulais essayer d'y parler au propriétaire. Ouais, ouais. Puis là, il a fini le tour du magasin, ça a été très long. Là, ils sont descendus à l'arcade en bas, ils ont fait le tour de l'arcade. Okay. Moi, je les suivais de loin comme un maniaque. Un gars qui espionne. Oui, je les espionnais. Parce que je voulais aller y parler. Tu sais, je voulais me présenter, puis j'y aurais posé des questions. Ouais. Puis le rétro, tu sais, moi, je croyais totalement à faire ce genre de move-là dans la vie. Mais leur meeting de jaser à faire tout le tour d'arcade, tu sais, ça a été long. Puis après ça, ils sont remontés dans le magasin. Puis là, ils continuaient de parler. Là, il était rendu 5h15. Là, je retourne à la maison. Ah, là, ouais. Mais je les ai stalkés pendant, tu sais, genre 30 minutes. Là, je marchais en arrière d'eux de très en attendant dos, que là, ça se libère, tu sais, puis que d'un coup, ils disent « OK, bye », puis qu'il soit tout seul, puis là, je serais allé direct sur lui, puis ben, doucement, arrivé, mais direct, bon. Mais c'est pas arrivé. Alors, c'est un signe, c'était pas dû pour arriver, mais c'est ça. J'aimerais établir contact quand même avec cette personne-là, que je crois est très accessible. On tournera comme des clients mystères avec des moustaches, puis des chapeaux. <là. rire> C'est ça. Mais écoute, il va pas tout le temps être là, là mais non, cette fois-là, il était là, puis on l'a raté. Fait que c'est la vie. C'est ça qui arrive, mais c'est pas grave. Une autre fois. Alors, on continue notre vie, et ben puis oui. J'ai pas besoin d'y retourner. Là, je suis allé deux fois. <C'est> déjà. Ça va. Mais tu sais, en plus, il y a un EB Games, je pense au Centre Eaton ou aux galeries Chose de la mode, là, aux Ailes de la mode. OK, ouais. Il y en a un pas loin, en tout cas, dans les souterrains. Okay. Beaucoup plus petit, bien sûr. Le cinquième de la grosseur, tu sais. Puis il y a comme plus de stock dans lui que dans le, flag clair, store, le flagship store, là, tu sais. Fait que c'est vraiment comme pour être propre la place, là, tu sais. Puis beaucoup de stock McFarlane aussi. Je rappelle que EB Games possède McFarlane Toys. Puis il va y avoir un magasin McFarlane qui va ouvrir direct à côté aussi. Fait que ça, c'est quand même cool. Donc, ils vont sortir le McFarlane du EB Games. Qu'est-ce qu'ils vont avoir? Encore plus de place. Plus de place, c'est ça. Il y avait des cartes de hockey neuves que tu peux acheter, des boîtes. Il n'y avait pas de cartes de hockey à l'unité, mais il y avait des cartes Pokémon à l'unité. Okay. C'est tout ce que j'ai vu de collecteur là-bas. Puis pour le reste, il y avait des figurines, des McFarlane Toys de hockey, des McFarlane Toys de Yuppie, de UFC, ce genre d'affaires-là. Fait que beaucoup de jouets, c'est une business de jouets après tout. Fait que voilà ce qui s'est passé. À suivre pour le reste. Yep. Fait qu'on s'en va en collection. Collection! J'aime qu'on tombe jamais ces mêmes tunes quand on. Oh là, c'est mauvais timing. Là, mais on met-tu le même jingle tout le temps? Non, c'est change à chaque. On a genre 8, 10 tracks, puis je les change à chaque fois. Là. Ah ouais. Ah là, c'est l'excellente tune du deuxième niveau de Gradius 3. Ben, crime, on va être raccord avec ça. Et voilà, mesdames et messieurs, sur cette excellente musique de Gradius. Des fois, le hasard fait bien les choses. Je vous présente Gradius Origins. Une compilation de jeux de Gradius qui est sortie, qu'on vient de recevoir aujourd'hui même chez Retro MTL. Ça me parle, ça. Ça parle en mot à dit, ça, Jean-François. Ouais, hein? Et puis, c'est commandé depuis très longtemps, et puis c'est finalement arrivé. Alors, Gradius Origins est un peu, voyez-le comme un genre de Castlevania Anniversary Collection ou Contra Collection, mais là, c'est Gradius. Okay. Alors, là-dessus, puis il y a trois covers. Ici, on a le cover de Gradius 2, qui est uniquement un jeu Famicom. Il y a un cover de Gradius 3 que vous pouvez jouer au Super Nintendo. Et il y a un cover de Salamander 3. OK. Et puis, mais moi j'ai choisi celui-ci parce que je trouvais que c'était lui le plus beau. Sur cette Life Force et Salamander, c'est des Gradius? Oui, les Salamander. Oui, Life Force, c'est une invention. C'est un nom inventé nord-américain pour désigner Salamander. OK. Mais Salamander et Gradius sont de la même série. Okay, c'est okay, le même jeu. Mais pourquoi est-ce qu'à un moment donné, ils ont appelé ça Salamander? Oui. Ça, il faudrait que j'aille le lire. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça. Alors, sur ce jeu-là, sur cette compilation-là, vous aurez Salamander 3. C'est, je sais pas pourquoi ils écrivent pas dans l'ordre. Je vais les dire dans l'ordre. Salamander, Salamander 2, Salamander 3, Gradius, Gradius 2, Gopher no Yabu, Gradius 3, Densen to Karashiroi, et Life Force. Donc, Gradius, vous avez joué à ça ici en Amérique du Nord sur une cassette Nintendo, ainsi que Life Force. Gradius 3, vu qu'il y a un nom japonais après, peut-être ça va être la version japonaise, mais sinon ça existe au Super Nintendo. Gradius 2, on n'a jamais eu ça ici. Salamander 2, je ne sais pas si c'est l'équivalent de Gradius 2, j'ai aucune idée. Michael pourra nous le dire. Et Salamander 3, j'ai aucune idée si c'est la même affaire que Gradius 3, je ne sais pas. Mais il y a tout ça. Puis peu importe si c'est la même affaire ou non, puis peu importe si je possède déjà physiquement la moitié de ces jeux-là, moi, je voulais avoir ça. Ben oui. Nous. Alors voilà. Y a-tu la version Gradius de Blade of Steel? Juste ce niveau-là. Ah, juste le petit niveau que tu tires dans le chose puis ça fait rien. C'est fini. C'est fini. Exact. Je pense pas qu'il l'a. Ah. Mais on a des Blaze of Steel ici chez Retro MTL si jamais vous voulez l'essayer. Bien sûr. Exact. Alors, cette belle compilation sur Switch vous coûtera 65 tomates si vous l'achetez dès aujourd'hui. Je vous recommande fortement de le faire parce qu'on en a 6 copies de chaque variant et chaque cover variant. Demandez-moi pas si au verso, c'est quoi qu'il y a, je sais pas. Je vais pas l'ouvrir. Je vais pas l'ouvrir tout de suite. Je vais peut-être l'ouvrir au WEG. Emmener des jeux au WEG. Je vais emmener les pochettes, Asti, au WEG. Amène tout ça. Ah ouais, ça va être beau, ça. Alors, ça, c'est le premier jeu. Ah, c'est hâte. Moi aussi. Salamander, c'est une série en parallèle de Gradius que King Wallop nous dit. Ouais. Dans mais pourquoi? T'sais, c'est la même affaire, c'est le même vaisseau. C'est. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Bizarre. Exact. Puis, prochain jeu, c'est sorti aujourd'hui. Tout frais du four. Ben oui. Double Dragon Revive. Alors, les frères Lee s'en redonnent à cœur joie. Ici, sur la pochette, il y a Marianne aussi qui est là. Et puis, d'autres copineaux là, qui viennent tous battre les gens. Et puis, j'étais pas sûr du look, moi, de jeu-là, pour être okay. Franc. C'est un peu très, je sais pas, man. Très luisant, asiatique, weird, là. Mais je pense que je vais m'habituer rapidement. C'est développé par qui, ça, d'ailleurs? Ben, c'est sûr que c'est Arc System Works. Mais y a-tu d'autres mondes qui... Non? OK. Donc, le graphisme, c'est ça. J'étais pas tout à fait sûr. Mais écoute, tous les Double Dragon, moi, je les achète anyway. Ouais, ouais. À part Dragon Falls, Double Dragon 5. Mais je l'ai acheté pareil pour mon full set Super NES. C'est une bonne série, Double Dragon. Sauf celui-là. Ouais. Mais pour tout le reste, c'est très bon. C'est une série que j'aime beaucoup. Alors, je vais emmener ça au WEG. Ah, tu peux prendre Abobo ou William. Il a l'air d'avoir beaucoup de personnages. Alors, on va voir à ça. Il y a des mécaniques nouvelles un peu qui ont instauré là-dedans. Fait que ça me fait peur, moi, de le dire. Ça me fait un peu peur, mais on verra. On s'aventure là-dedans, mais on vous revient. Pis c'est seulement 50 tomates chez Retro MTL pour procurer le nouveau dragon. Et voilà, le nouveau dragon. Il y en a beaucoup, alors... ben, il y en a pas tant que ça, en fait. Alors, dépêchez-vous. Dépêchez-vous. Ce soir, là, c'est le temps. Passez une commande chez Retro MTL ce soir. On va les voir passer pendant qu'on est là. Elle va totalement les voir passer. Toi aussi, Jeff, oui. Avec tes plugins sur notre Shopify maintenant, tu vois nos ventes. En fait, semaine, je travaillais là-dessus, puis j'étais comme, faut que je vois les ventes dans les 5 minutes. Puis là, j'allais le temps dans le panneau, genre, des achats, 200$. Je regarde le monde qu'est-ce qu'il achète. Avoue que c'est fascinant. Il y en a qui sont des drôles de collection. Là. Ah, ouais. Quelqu'un qui s'achète deux consoles et deux jeux, pas des consoles qu'il vient d'acheter. J'étais comme, qu'est-ce que c'est ça? OK. Ah, ben, il y a déjà ces consoles-là. C'est ça, j'avais pas fait de logique en arrière, mais ouais. Ah, regardez c'est fascinant à regarder les ventes arriver. C'est vraiment le fun. C'est vraiment le fun. Fait que ici, Ender Magnolia, que j'ai critiqué chez Papa Cassette, il me semble. On avait eu une première version qui était la version Asia, donc d'Asie, mais que c'était tout en anglais quand même dessus. Ouais. Et puis là, bien sûr, la version Limited Run sort bien plus tard. C'est pas une version numérotée. J'avais critiqué le jeu, j'ai adoré le jeu, tout comme. C'est la suite. Ben, c'est pas la suite. Parce que c'est la suite de Ender Lilies? En fait, oui, c'est vrai, c'est la suite de Ender Lilies. Parce que les deux histoires se touchent. Mais vous n'avez pas besoin d'avoir joué au premier pour apprécier Ender Magnolia. Donc, c'est, le troisième, ça va être Ender, un autre fleur. Là. Ender Marguerite, quelque chose. Ender Marguerite. Et puis, c'était un Metroidvania là, vraiment absolument incroyable. Là. Une série que j'aime beaucoup, beaucoup. Alors, si vous n'avez pas joué à ça, comme puis c'est un style que vous aimez, c'est go, go, go, tout de suite. Ça coûte seulement 55 tomates pour plusieurs heures de plaisir. C'est ça, Frank qui dit que la soundtrack de Ender, des jeux Ender ils sont vraiment bonnes. Ah oui, c'est planant ça. King Wallop qui dit que c'est sur sa liste, le premier était génial. Oui, c'est comme le premier. Même j'ai trouvé un petit peu plus, si je peux dire, accessible et agréable que le premier, mais j'avais énormément. Il est plus facile. Il me semble que j'ai moins rushé. Donc, très, très, très, très bon. Et le dernier, puis ça, je suis plus sûr qu'il nous en reste, alors j'espère que vous avez pu saisir votre chance. Il s'agit de Cyber Citizen Shockman Collection. Donc, il existe, chers amis, une série de jeux qui s'appelle Shockman. Et puis, ici, on a rien eu de ça. Rien. Il y a un jeu au turbo graphique CD, je crois. En fait, je vais vous dire qu'est-ce qu'il y a là-dessus. Il y a Shockman, Shockman 2, Shockman 3 et Shockman 0. Bon, c'est simple, hein? 0, 1, 2, 3. 0 à 3. Voilà, 0 à 3. Et puis, ça part, ça, je crois, du... Ah, man. J'aurais dû faire mes recherches. Du Sega Master System, ça passe par peut-être même le Genesis, le PC Engine. Donc, c'est une série qui a vécu à travers ces consoles-là qui ont été un petit peu moins présentes en Amérique du Nord, je dois vous le dire. Rien de Nintendo, rien de tout ça. Hey, ça look Mega Man beaucoup dans certaines affaires. Là, ouais, ça look totalement Mega Man. Et puis, c'est un platformer à coup d'épée. Là, puis tu sautes, puis tu tires aussi des choses. J'ai jamais joué, jamais, à aucun Shockman. Donc, je suis content d'avoir ça. Puis, certainement que je vais déballer cette chose et puis tenter d'avoir du plaisir. Et je pense que j'en aurai. Donc, moi, là, si j'étais à votre place, là, j'achèterais ces quatre cassettes-là à soir chez Retro NTL. Maintenant. Maintenant, pour mettre dans vos collections. Et King Wallop qui dit que Zero est d'ailleurs exclusif à Satellaview du SFC. Au Satellaview du SFC. C'est le Super Famicom, j'imagine. Puis le Satellaview... Aïe, man, est-ce qu'on a de l'air de rien connaître, là? Le Satellaview, c'était pas le truc, ça, pour aller sur Internet avec un... Super Famicom, ou je sais pas quoi. Oui, Super Famicom. Ouais, c'est voilà. Ça. Donc, c'est impossible de jouer à Zero, sauf à partir avec de maintenant. Collection. Donc, c'est merveilleux. Donc, achetez-le. Pour 60 tomates, vous aurez ça à la boutique de jeux vidéo qui a plus de jeux Switch que le EB Games, c'est-à-dire Retro MTL. Et voilà. C'est drôle qu'on parlait que Shockman avait l'air de Megaman. Tout est dans tout. Exact. Ça fait du bien à l'âme, cette chanson. Donc, ah oui, vraiment. Elle est tellement bonne, cette toune-là. Là. Celle-là, précisément. Là. Ah, laisse-la encore un peu. Ah ouais, est-ce qu'il y a des gens qui joignent dans le chat dans ce temps-là? King Wallop qui nous explique qu'en effet, c'est un add-on qui nous permettait de télécharger des jeux. Oh, Finger Cup qui a offert un abonnement. Niveau 1 à Wallop. 7 abonnements, Chris. Le monde sont smart. Merci. Wow. Merci beaucoup, Finger Cup. M Street 1428. Salut. Bonsoir, mesdames. M Street. Cacapoil qui dit bonsoir, mesdames. De se mélanger. Bon, ben, hey. Tout le monde arrive. C'est merveilleux. S'il y en a qui écoutent le hockey sur le site, vous nous direz le score. Vous nous direz combien de buts Kapanen va faire à soir. C'est ça, grâce à. Hey, à Demidov. T'as-tu vu le but en prolongation hier? Ah, c'était beau, c'était beau. Comment Demidov, il fait pour pas patiner, mais glisser, puis se tourner, puis contrôler la puck, puis on dirait que c'est un jeu vidéo que tu regardes. Je dis, voyons, personne peut faire ça dans la ligue à part lui. Là. Il est incroyable, ce joueur-là. C'est fou, là. J'ai vu un reel sur Facebook ou Insta, là, où est-ce qu'il expliquait Demidov, où est-ce que c'est complètement fucké, sa façon de jouer. C'est que quand il tient la rondelle plus longtemps, là. Quand il drive, il va pas à une place qui a de l'espace. Il fonce sur un gars. Ben, il force le défenseur à se commettre pour ouvrir l'espace et rentrer dedans. Lui, il fonce vers les joueurs au lieu d'aller de foncer là où il n'y en a pas. Genre, il fonce sur les joueurs. Il va derrière le net pour les fucker. On dirait que ça va comme. Ça crée la puck dans la bande, mais il ramène devant le net. Le gars qui s'en vient le couvrir tombe à terre parce qu'il comprend plus rien. Exact. Il fait des choses illogiques pour les autres. Il était imprédictible, ce joueur-là. Imprévisible. Imprévisible, ouais, imprévisible. Puis le Charles Matheson devant le net. Pouc! On a gagné. moi, je capote. Même pas forçant. C'était vraiment magnifique. Magnifique. Voilà. C'était la minute hockey. Fait que, sûrement qu'on va reparler de hockey dans les questions. Il y en a tout le temps. Dans l'équipe des Mighty Ducks D2. C'est clair. Alors, une seule critique aujourd'hui, et ça sera Nine Years of Shadows. Une belle pochette. Oui, une belle pochette. C'est développé par Hal Bird Studios. Le train du hype d'homme qui vient de partir. Oh my God, un autre train de hype. On va l'avoir. On va embarquer sur ce train-là. Et c'est publié par indie.io, disponible sur Switch et PC seulement. J'étais très surpris de voir ça pour un jeu indépendant. Donc, c'est un limited run qu'on a reçu dans une batch dernièrement chez Retro MTL. Il s'agit d'un Metroidvania. Et puis, on avait commandé ça il y a très longtemps. Tu sais, c'est de même, les limited run, tes commandes, puis t'es reçu un an plus tard, t'es oublié complètement. Je suis comme, qu'est-ce que c'est ça qu'on avait demandé, non? Puis là, on reçoit ça, puis là, je suis comme, on avait-tu bien fait de commander ça? Ça avait de l'air pas pire. Puis je m'en suis pris une copie, puis je l'ai essayé, puis j'ai bien aimé ça. Ah, bon. Fait que tu peux mettre du gameplay. T'es une... Il y a une malédiction qui s'abat sur le pays. Et puis, toi, t'es pogné là-dedans avec tout le monde. Il n'y a plus de couleur. C'est très triste. Alors, t'aimes pas ça, personne n'aime ça, tout le monde rush sa vie, tes parents meurent. Et puis là, t'es en tabarnak. Alors, tu t'entraînes et puis tu t'en vas dans un genre de citadelle d'où semble être la source du pas de couleur. Okay. Et puis, là, bien sûr, t'es une femme qui a de l'air un peu d'une déesse grecque, là, si je peux dire, une déesse du tonnerre, là, quasiment, avec une grosse hallebarde. Donc, c'est une hache à long... C'est comme une lance lombard, avec une hache au bout, là. Et puis, d'ailleurs, le nom du studio, c'est Halberd. Ouais, alors, je pense que c'est en hommage à ça. Okay, à ça. Et puis, tu te présentes dans ce château-là, puis il n'y a pas de lumière toujours, puis là, tu fais face. Badang, il y a un gros tabarnak de démons qui t'arrive en face, puis tu tues. Okay. Puis là, mais t'es pas tout à fait morte encore, mais t'es fini, là, tu sais. Puis là, il y a un ourson qui arrive, qui flotte, un ourson en peluche. Ouais, un teddy bear. Un teddy bear qui arrive, puis qui te redonne vie, puis qui permet d'un coup qu'il y ait de la lumière. Puis là, c'est complètement fucké. Fait que là, maintenant que t'as cet ourson-là qui te suit, ben, t'as la force d'essayer de voir plus clair dans tout ça, okay. Jean-France. Ouais. Ouais, ouais. Et puis, fait que là, tu commences. C'est très, très Metroidvania. C'est un beau mouvement là, de coups de hallebarde. Ça, j'ai beaucoup aimé ça. Quand tu avances normalement, tu slashes. C'est un bon feeling. Là. Ça, c'est vraiment bien. Ce jeu-là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va te faire découvrir, il va te faire acquérir 4 armures qui représentent des éléments. Donc, lightning, plante, végétal, water, puis fire. Et puis... Ouais, l'électricité, les plantes... Ça fait du sens. Et puis, dans le jeu, mettons, il y a des places où est-ce qu'il y a de l'eau qui va en hauteur, où tu fais apparaître. Tu mets ton armure d'eau et puis tu as aussi un skill de sirène que tu débloques. Fait que on l'a vu, ouais, c'est ça. Pour le feu, tu as une genre de technique de planage, là, puis de boost, de fire boost, okay. Là, qui permet de sauter à des places ici et là. Les plantes, c'est bizarre. Regarde, là, il y a un trou dans le mur. Pou, pou, pou, tu passes à travers. Des tunnels de... C'est comme des tunnels dans les murs que tu deviens. Que tu passes super vite au travers d'eux. Okay. Donc, ça te permet de faire ça. Et Lightning, pas grand-chose en fait. Lightning, il fait pas grand-chose. Et puis, il y a des ennemis qui sont vulnérables, dépendamment de leur couleur, à certaines, bien sûr, des armures, que tu peux swapper en tout temps, on the fly. Donc, puis t'auras besoin de le faire, parce que quand tu te promènes, des fois, faut que tu switches du vert au bleu, là. Mais c'est pas pénible, tu sais, okay, c'est pas tout le temps en train de gosser. Ça vient pas lourd, là. Okay. Puis, mettons, faut que tu te crises dans le mur, ben l'armure, elle va s'équiper automatiquement. Ah, tu tombes dans l'eau, tu tombes dans le feu, l'armure, elle s'équipe. OK, fait que sélectionne automatiquement le power-up que t'as besoin, OK. Tu peux le sélectionner automatiquement, ou si tu tombes mais si dans le feu, va le faire, elle va le faire pour toi. Mais sinon, tu le fais pour attaquer les ennemis là, qui le requièrent. Oh. Fait que ça, j'ai aimé ça. Puis c'est une drôle de mécanique avec le petit ourson qui te suit. Parce que quand tu gardes... l'ourson, il peut lancer des projectiles. L'ourson, il y a des, comme on vient de voir, il y a des skills. Il peut débloquer des portes. Il acquiert des skills. Et puis, ça consomme ta barre de vie en haut. Et puis, quand elle se déplite, quand il n'y en a presque plus, tu peux garder ton doigt enfoncé sur le bouton. Et puis là, tu vas faire un câlin à l'ourson. Et puis, ça prend quand même un certain temps. Okay. Puis, ça te redonne ta barre de vie presque complète. Fait que dans le fond, tu as de la vie illimitée tant que tu es capable de te mettre de une place tranquille et de faire un câlin tranquille. Et puis, ça, c'est toi qui choisis quand ton ourson attaque ou s'il le fait automatiquement? C'est toi qui... C'est un bouton, ça. OK. L'ourson, il fait rien. Parce qu'il flotte comme un familiar. Il fait juste flotter toujours comme un familiar, en effet. Mais quand tu tires, ça tire à partir de lui. Il active des switches. Et il tire-tu plus fort? Ou genre, parce que pourquoi ta barre de vie descend si... Genre, c'est quoi l'avantage de prendre l'ourson si ça fait descendre ta barre de vie? Ben, il tire à des... C'est un projectile. Fait que des fois, tu dis, je me rends pas là-bas, m'a tiré. Ah, c'est vrai, parce que t'as juste la grosse hache. OK, t'as raison. OK, je comprends. Ouais. Fait que c'est ça. Mais puis d'abord, des switches aussi, que t'as pas le choix de l'utiliser. Puis en frappant les ennemis, ben, tu regagnes pas ta barre de vie. Mais c'est un peu le même principe. Je joue à Silksong présentement. Ouais, puis comme quand t'es presque magané, tu peux consommer de ton silk pour te redonner de la vie, tu sais, fait que c'est un peu la même mécanique. Ça, c'est très bien fait. Et puis, on salue Sim le daltonien qui est arrivé dans le spectacle. Donc voilà, tu unlocks, on voit la map ici, là, très Metroidvania, tout ça, une fois. T'as des membres d'un orchestre que tu secours dans la map, et puis ils se ramassent tous dans un théâtre, et puis eux autres te donnent des points que tu peux utiliser pour plus de life, plus de ci, plus de ça. Et puis, c'est ça. La musicalité, les couleurs puis la musique a une grande place là-dedans, je trouve. Tu débloques des notes pour les gens de l'orchestre. J'ai vu dans l'intro qu'il disait « Ah, la musique faite par telle personne. » T'as un gros piano, là. Et ton save point, c'est un piano, en effet. Ah, tu joues du piano. Ah, c'est bien, je pense ça. Que les gens derrière ça aiment beaucoup la musique, là. Puis la soundtrack va avec ça. C'est une belle soundtrack, là, planante, un peu souvent la même. Mais quand même, moi, j'ai trouvé très, très bonne. Les couleurs, tu sais, sont belles. Tout est golden, reluisant un peu, là. Ouais, ouais, ouais. Je trouve ça vraiment beau, là. J'ai trouvé ça fantastique. Ça fait ressortir tout ce qui est golden, ressort de tout le reste qui est comme sombre en haut, tu sais, c'est plus exact. Noir, plus brun. Ton armure, elle brille d'or, ouais, c'est là, beau, c'est beau. Il y a des cutscenes aussi, quand tu prends l'ascenseur, que tu te vois en gros, tu sais, c'est vraiment nice. Il y a un autre personnage, un homme, un chevalier, là, avec une épée, qui est ton ami, mais tu sais, t'es pas en bon terme avec. Puis finalement, il fait pas grand-chose. Okay. Ça, j'ai trouvé qu'il aurait pu l'exploiter un petit peu plus. Un moment donné, à la fin... Ah, je vais comme pas spoiler l'histoire au complet, là, mais l'ourson a un lien. Parce que dans ce château-là aussi, il y a un théâtre, oui, mais il y a aussi un orphelinat. Okay. Et puis, dans le fond, c'est un enfant qui est à la source de tout ça. Puis cet ourson-là est lié à cet enfant-là. Okay. Donc, s'il y a une malédiction qui s'est abattue, c'est parce qu'il y a un enfant qui souffrait. Tu sais. Ouais, ouais. Puis qu'il est allé all-in dans des affaires qu'il fallait pas. Alors, puis là, je parle pas de manger trop de jujubes, là. Il est allé all-in, là, tu sais. Il s'est couché à 11h, manger plus de bonbons, là. C'est ça. Il a mangé une canne de tir au complet. Bon, on l'a dit. On s'est dit. Il mangeait du caramel grenache avec une cuillère. Bon, Jean-Michel, le Steve Panic Nin qui a acheté Ender Magnolia. Bon, wow. Ça marche, ce show-là. On fait des ventes. On fait des ventes, tabarnak, Jean-François. Attends, il y a une vente qui vient de passer. On va voir la vente immédiatement. Je vais regarder sur mon système si il n'y a pas rien à vendre. En plus, alors, il a fait une vente puis il a mis un beau bonhomme Megaman qui danse. Ah ouais, hein? On a eu une vente à 20h47. Exactement là. Est-ce qu'on a vendu... On a vendu un Cyber Citizen Shockman et quelqu'un qui s'est pris une Game Boy Camera avec ça. Excellent. Très belle commande. Juste avant, un Ghost of Yot puis un Ender Magnolia. Parle-moi de ça. Blastman qui dit « Je viens de prendre Shockman ». On va tout exposer vos données. Bravo, là. Blastman. C'est le monde dans le chat qui achète. C'est malade. Aussi. Bravo tout le monde. Fait que deux belles ventes et puis vous aurez du plaisir avec tout ça. Et puis, voilà. Yes sir, guys. Merci beaucoup. Très apprécié. Incroyable. Puis, donc, le jeu est plein de belles mécaniques comme ça. Les boss un petit peu redondants. Là, t'sais, pas très, je trouve, spéciaux. Mais toute la... C'est ça. Toute la vibe, théâtre, ouais, musique, ouais. Ses couleurs vibrantes. C'est le jour de la paye. C'est vrai que c'est le jour de la paye. Les ventes sont toujours plus le jeudi. Tout est beau. Ça se navigue bien. Bien. Bien. C'est intéressant. T'sais, power up. C'est un Metroidvania avec des mécaniques intéressant, puis qui invente ces, je peux dire, ces affaires-là, mais pour tout le reste, il n'y a rien de compliqué. Ouais, ouais. Puis moi, j'ai aimé ça, tu sais. Tu le fais, c'est bon, tu sais, c'est une bonne pizza de région. Là. La difficulté, c'est quoi? C'est très facile ou c'est moyen? C'est pour tout le monde, c'est ça. Pour tout le monde. Pour vrai, j'ai vraiment pas rushé les boss. Le boss de fin à fin... Même à ça, j'ai même pas rushé tant que ça comparé à certains boss que je fais de Silksong présentement. Fait que, non, c'est okay. Accessible. Et puis, that's it, je vais pas en révéler plus là-dessus. Moi, j'ai beaucoup aimé ça, puis quand je me questionnais, c'est pourquoi est-ce que personne n'en a jamais parlé de ce jeu-là, tu sais, je comprends pas. Le monde disait qu'en ligne, ça va pas été tant bien, les notes n'étaient pas si hautes puis tout, puis je suis vraiment surpris. Bon. Je vois pas qu'est-ce qu'on peut reprocher à ce jeu-là, là, très sincèrement. Très bien. Fait très bien le job, c'est un bon petit travail. Alors, pour toutes ces raisons, mon beau Jean-François, oui. Je vais lui donner un 3.5 pomme sur 5. Un Metroidvania très convenable. SSS Frank dans le chat qui demande si c'est meilleur que Blasphemous, je dirais que non. Quand même, Blasphemous est une aventure beaucoup plus grande et imposante, ouais, ouais. Et deep que ça. Là. T'sais, ça demeure t'sais, léger. C'est deep un peu. L'histoire est quand même nice, t'sais, mais elle n'est pas compliquée. Là. Blasphemous, il y a énormément plus de travail derrière, ouais, ça. Ouais. Là, puis Blasphemous 1 ou 2, il y a quand même une différence. Je trouve le 2 est beaucoup plus accessible, plus snappy. Tout okay. Ça, le 1, c'est counter-attack. Counter, c'est, ouais, plus, ouais, ouais. C'est plus lourd, t'sais. Mais j'ai capoté sur les deux Blasphemous. Fait que Ah ouais, hein, SSSS Frank qui dit que le 1 est pas foufou. Ah, moi, j'ai vraiment aimé ça, là, pour vrai. C'est tough, mais il y a de quoi là-dedans, là, tu sais. Mais le 2 est plus accessible. On va aller aux questions du public, déjà. Ben, c'est parfait, Asti. On va essayer de battre des affaires aujourd'hui. Un jour, on va faire un show en votre 2 heures, parce qu'on va mourir en revenant. Exact. Tiens. Fait que, peut-être, JF, pendant que j'ouvre des bières, tu peux peut-être lire la première question en bas d'un des Freshette Bros. T'as-tu besoin d'un réflexe? Oh, ouais, juste à la fin, ouais. On est dans Instagram, là? Oui. Donc, Antonin Freshette, des Freshette Bros. Donc, avec votre expérience de vie, quelle erreur auriez-vous aimé éviter ou quel conseil auriez-vous aimé recevoir avant d'acheter votre premier bien immobilier? Et selon vous, quel est le meilleur choix à faire quand on achète pour la première fois? Et c'est pas des questions faciles, ça. C'est une grosse question, ça. Il veut-tu dire une maison par bien immobilier? Ben, j'imagine que oui, ou un condo dans mon cas, c'est un condo avant la maison, là. Ah ouais, c'est intéressant. Attends, j'ai ouvert ma bière. J'ai besoin d'une bonne rousse de Unibrew. Moi, j'aurais aimé savoir que c'était accessible à, ben là, beaucoup moins maintenant qu'à l'époque quand j'ai acheté mon premier condo, là. J'étais comme, ah, j'ai pas assez d'argent. Puis, genre, tu l'achètes, t'es comme, ok, finalement, j'avais assez d'argent, là. Mais c'est du passé, là. À cette heure, tout a boomé tellement en fou, là, que. Ouais, ben, c'est ça, hein. Parce que moi, avec. Nous autres aussi, on se dit, on est en appart. Puis là, une maison, c'est plus cher. Puis on se trouve déjà serré. Puis là, si on veut un deuxième enfant, ben, on n'arrivera jamais. Mais on l'a fait. Puis on est arrivé. On réussit quand même tout le temps. L'affaire t'sais. Que je pense que tu prévois pas quand t'as pas de maison ou justement une maison que t'achètes, ta première résidence, tu peux pas juste calculer ton hypothèque quand tu calcules. Il y a tous les coûts rattachés à l'entretien de la maison qui viennent s'y mettre par-dessus qu'il faut que tu prennes en compte aussi. Là. Ah, c'est certain. Fait que c'est comme, ah, je peux mettre 1500 par mois sur une maison, fait que j'en prends une à 1490, et tu vois des problèmes à mener. Là. Ah, non. Ça, c'était mieux de prendre moins big puis d'avoir. C'est toujours mieux de vivre en bas de ton salaire. Ouais. Là, faut tu. Puis, tu sais, puis moi, j'ai vécu ça quand on a acheté notre triplex. Il y en a un qu'on. Tout est fait. Mais lors de l'inspection, on trouvait des fondations, les murs de fondation intérieure du sous-sol un peu. On n'était pas sûr, tu sais. On voyait des granules ici et là. Puis on a fait faire une expertise par un professionnel. Puis finalement, les murs étaient finis. Ah, là, ouais. Ça, la pire c'était certaine. Tout à refaire. C'était dégueulasse. Puis ça, on a investi. Ça coûtait cher, là. Ça coûtait genre 2 000 $ là, quasiment à faire cette expertise. Ouais, mais t'as sauvé 100 000 J'ai sauvé 100 000, tu sais. Puis on n'a pas habité là. Puis tant mieux parce que, des fois, je passe devant encore, je le vois, là, tu sais, ils ont fait les rénaux, il n'y avait pas du choix. Ouais, ouais. Mais bref, niaisez pas avec les. Mais aussi, faut en prendre puis en laisser. Parce que les inspecteurs, ouais, eux autres, ils vont tout checker. Hein. Une petite affaire. Là, vous allez avoir votre gros livre, là, avec tous les problèmes de ce que vous voulez acheter comme maison. Puis là, ça va être comme tabarnak. C'est plein moi, l'inspecteur, il était comme, ah, t'as juste un maximum, la patente qui sort l'air, là, sur le toit. T'as juste un maximum, ça serait 2, serait plus idéal. Je suis comme, oh, mais je m'en calisse de ça, genre 2 maximum sur le toit, là. Ah, ouais. Personne va aller faire ça, là. C'est pas un problème d'achat de maison, ça. Ah, c'est ça. La pyrite sur le terrain, oui, là. Puis les affaires comme ça, oui. Ah, là. Totalement. Puis, tu sais, checkez ça, là. Ça pue-tu l'humidité dans le sous-sol? C'est le genre d'affaire. Les sous-sols, guys, attardez-vous dans le sous-sol. Avant d'acheter, allez voir à la maison, genre, le matin, le soir, la fin de semaine. Tu sais, allez voir des temps différents. Ouais. Des fois, il y a des avions qui passent au-dessus de ta maison, tu le sais pas. Totalement. Des fois, c'est le matin, oh shit, les camions qui passent sur la rue. Tout ça va jouer, là. Fait. Ouais. Puis filer le quartier, tu sais, voir qu'est-ce que ça dit, tu sais, puis tout ça. Ouais, puis comme tu dis, tu sais, qu'est-ce qui est proche, qu'est-ce qui convient à votre rythme de vie, là. Vraiment. Ah, exact, là, tu sais. C'est quand même très important. Puis, achetez pas quelque chose qui vaut rien, tu sais. Faites pas de compromis. Ouais, non, c'est vrai. C'est comme si t'achetais un jeu de collection, là. Tu vas acheter un Earthbound, là. Puis, je me rappelle plus combien ça vaut, là, mais ça fait longtemps que j'ai pas regardé. On va dire que ça vaut 300$. Puis, mais t'en achètes un à 200, mais il est magané. Ouais. Tu sais, comme, fais pas ça. Attends un peu, puis prends. Achète pas une maison avec un défaut, tu sais, qui plus tard, quand tu vas vouloir vendre ta maison, ben, ça va faire chier un prochain acheteur, ça va être dur à vendre, tu sais. Achète pas quelque chose qui manque, mettons, une chambre, ou que tu dis, ah, ben, c'est correct, on va, tu sais, C'est un peu weird, mais non, ça, ça va être un handicap plus tard. T'sais. Achète quelque chose qui convient et qu'il n'y a pas de problème. T'sais. Nous autres, notre première maison, on avait 3 chambres à coucher à l'étage. Puis il y en avait, il n'était pas grande les chambres. Ouais, là, ouais. Mais ça, c'était rare. T'sais. Fait que j'étais prêt à accepter que ça soit crissement en laine dedans. Puis tout ça, ça se répare, ça, ça change. Ouais, ouais. Ça se rénove. Mais t'sais, 3 chambres à coucher, ça, man, ça a de la valeur. Là. Ouais. Ça, ça a une valeur incroyable. Fait que on a vécu dans du crissement lait pendant longtemps, mais on avait ça. Ça, c'était le point qui avait la valeur, tu sais. Fait qu'acheter des choses qui ont de la valeur. Ouais, faut que ça fasse du sens aussi. Comme dit, toi, c'est important, 3 chambres à l'étage pour avoir les enfants proches puis tout. Fait que oui. Si c'est quelque chose que vous avez besoin, fais pas comme, il y a une chambre dans la cave, fait que mon enfant de 2 ans va être dans la cave, va être au deuxième. Mais non, ça fait pas de sens. C'est ça. Puis vous pouvez aussi acheter une première propriété, un condo, avec votre conjoint-conjointe, et puis vivre dedans, puis revendez-le dans 5 ans, vous allez faire un profit. Puis là, quand c'est le temps d'avoir un bébé, là, vous achetez une première maison. Si vous êtes chanceux, vous allez faire un profit, sinon vous allez perdre 20 000 comme moi. Là, mais ouais, ben là, tu t'es séparé. Non, ça, c'est le condo. Ah, qu'est-ce qu'il y avait comme problème? Il se vendait pas. Ah ouais. Ça a pris 2 ans à vendre, puis année, j'ai eu plein de ventes que genre ça floppait, puis je l'ai vendu genre 10-15 000 de moins. J'ai pas, en fait, j'étais là 5 ans, je l'ai revendu le prix que je l'avais payé, ou j'ai fait, l'argent que j'avais investi dedans, je l'ai perdu dans le fond. J'ai revendu le prix que je l'avais acheté. Ah, fait ouais. Que j'ai payé dans le vide comme si c'était un appartement en bout de ligne, que tu le vois de même. Là. Ah ouais, hein? Ouais, c'était pourri pour vrai. Ouais. J'étais comme, je veux la maison, je suis tanné d'être site. Fait que je l'ai fait à rabais un peu. Là. Okay. J'ai accepté le prix plus bas, puis ça a été ça. Hmm. Et j'ai reperdu dans la maison quand j'ai réhypothéqué. Ben là, ça, c'est pas grave. C'est... Ben, réhypothéquer dans la maison, c'est pas perdre dans la maison. Tu réhypothèques que... quelque chose qui a de la valeur. Oui, mais si tu réhypothèques puis tu donnes l'argent à quelqu'un, t'as perdu de l'argent. Là. Ouais, mais là, c'est une séparation. C'est ça, là, c'est ça. C'est pas pareil. Mais mettons, tu te sépares pas. Si tu réhypothèques pour faire les travaux, c'est correct. Là. Exactement. C'est la façon de faire. Là. Ça rajoute de la valeur à ta propriété. C'est ça. Puis, tu sais, prenez. Moi, j'ai une marge à tout. Moi, quand on va être dû faire le toit. Ça va venir là, dans 3 ans. Là, puis, moi, j'ai pas ça, 20 000 $ à disposition pour faire un toit. Ah ouais. On va le prendre sur notre marge à tout, puis on va payer tranquillement. Puis après ça, on va signer une hypothèque, on va leur crisser dessus. Ouais, puis, ouais. Of course, qu'on fait juste étirer notre hypothèque, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ben, c'est ça. Au final, même quand je vais vendre si je vends mon Plex dans 10 ans, m'en faire de l'argent. Là, ouais, ouais, ouais. Beaucoup d'argent comparé à des bons placements? Non. Mais je suis chez nous, c'est, ça, c'est propre, puis j'aime ça, puis on vit c'est une pas vie blind, de famille. Noir, tout ça, là, c'est tout, il y a plein de facteurs qui évaluent. Là, totalement, de, totalement. Ça. Fait que voilà. Chris, on pourrait se faire un podcast. Eh oui, hey, y a quelqu'un qui dit, fait un bout qu'on s'est pas vu, Magou46. Où ça? En bas. Ah oui, ah ouais. Hello. Ben salut Magou46, salut. Tu seras heureux dans... 25 jeux à 4000 pour faire toi. C'est pas vrai, fou, c'est pas je pourrais fou. Totalement faire ça. Mais non, je préfère m'endetter. Mes jeux prennent plus de valeur. Yeah, c'est vrai. Amelançon qui dit, question pour Dom, quelles sont tes polices préférées pour les jeux vidéo? Des polices préférées pour les jeux vidéo, rétro et actuellement? Les polices dans Nark, là, qui... Quelle police? Les policiers, j'imagine, qui... Ou les polices de caractère. C'est-tu des polices de caractère? Je peux pas croire. C'est sûr qu'ils te parlent de policiers. Là. Ben, ouais, parce que... Hey, des polices, je sais pas. Je pense qu'ils parlent des fonts. C'est bon, là. Ben, ça... Le Times New Roman. Non, mais moi, les fonts... Ben, écoute, si on parle de fonts, ouais, moi, j'aime tout le temps les fonts linéales, tu sais, okay. Comme Helvetica, tout ça, tu sais. J'aime pas les fonts de sérif, là. J'ai jamais travaillé... Ben, des fois... Faut que tu en utilises ouais, ouais. Le design, dépendamment de ce que tu fais. Mais j'ai jamais été fan de fonte sérif. J'aime bien la fonte de Bodoni, par contre, c'est assez old school. Elle a des sérifs, mais très fin. Là, c'est intéressant. Mais non. Pour être franc, man. Un bon vieux Arial. Ouais, ben oui. Ça fait du Marianne. Du Marianne aussi. Marianne, ouais. Puis Helvetica New, man. Tu peux pas te tromper avec ça. Mais je veux pas révéler les fonts que j'utilise, mais pour vrai, si vous regardez comme il faut, tout ce que j'ai fait pour l'arcade et Retro MTL au cours des 10 dernières années, l'arcade pour la fonte Tex, mettons, là, t'sais, pour l'arcade, c'est pas mal la même que j'utilisais pour Retro MTL pendant un certain moment pour toutes les communications. La nouvelle fonte de Retro MTL, je l'utilise à temps plein maintenant pour toutes là, les textes importants et les titres et tout. Puis j'y vais all-in avec ça. Fait que un coup que j'ai trouvé ma fonte, pour vrai, je l'utilise fucking longtemps. Là, fait que voilà. J'ai Levas ou bien Glevas. Glevas. Glevas nous demande. Si Guillaume avez... Levasseur, genre? Peut-être. Guillaume Levasseur. On guesse, on fait des guesses. Ah ouais, hein, ça se passe. Glevas. On l'a appelé Glevas, par exemple. Oui, c'est pas mal mieux. C'est peut-être que c'est son vrai nom. Glevas. Glevas, quelque chose. Glevas Jacques. Jacques Glevas. Jacques Glevas. Si vous aviez à faire une collection du marché japonais, ça serait quoi? Perso, j'aime bien la Famicom et ses cassettes colorées. Des pachinko. Ah ouais, des machines pachinko. Dans mon sol, j'ai senti la clope, genre en train de peser des pitons. Un jour, il faut que j'aille au Japon juste pour vivre la folie pachinko. Ah ouais, puis commencer à fumer là-dedans. Ben, j'ai plein de raisons d'aller au Japon. Je vais aller voir de la lutte au Japon, je vais aller voir les arcades, je vais aller tout ça, là, mais oui. Et les pachinko, là. Ouais. Vivre cette folie-là. Là. Ah, absolument. C'était quoi la question? Quel truc japonais on collectionnerait en jeu la Famicom. Vidéo? Ben, Famicom, moi aussi, pour vrai, je suis en amour avec ces petits formats-là. Et puis, les jeux en boîte, man, c'est des petites boîtes, là, avec un protecteur, ouais, ouais. Là. Oh, c'est beau, là, ça fait des petits rectangles, c'est mince, c'est absolument divin, man. Puis j'avais commencé cette folie-là, puis j'avais, on parlait de Gradius 2 tantôt, je l'avais complet en boîte, j'avais 2-3 jeux Famicom complet en boîte. Puis finalement, j'ai... Ça a coûté une fortune d'importer ça puis de trouver ça. Ben, ça dépend des jeux, encore une fois, là, tu sais, mais lesquels. Puis tu sais, on avait joué à Baby Mario, là. Ouais, ouais, ouais. Ben, l'original Bio Miracle, Famicom, ouais. Bio Miracle, tu sais, ça vaut cher, ça, là, tu sais, c'est en demande. Puis moi, j'avais commencé ça parce que j'étais en amour avec ça. Puis finalement, j'ai tout vendu, j'ai quitté. C'est comme commencer l'héroïne. Comme, non, là. C'était bien le fun d'un party, mais là, c'est si it and pas... quit it. J'ai tout lâché ça. Mais mettons, ici en magasin, chez Retro MTL, d'ailleurs, achetez-le parce que c'est très beau. On a un Holy Diver, tu sais, complet en boîte, puis ça, c'est vraiment propre. Mais on a racheté la collection de notre ami Jonathan Brochu, Johnny Gretis, puis il y avait un Castlevania 3 en boîte. Ah, wow. Au Famicom, puis ça, ça, je l'ai gardé, là, par contre. Ça, c'était très beau. C'est clair. Mais je me retiens, je vous le jure, jour après jour, de ne pas repartir en malade là-dedans parce que, hostie, que je trouve ça beau. Ah, mais c'est... tout en boîte, là, tu sais. C'est vrai que les cassettes elles-mêmes sont toutes colorées. Ouais, ouais. Elles sont toutes pleines de couleurs, tu sais. C'est vraiment hot. La belle qualité nous demande. C'est que j'aime ça, les noms. Bonsoir, messieurs. Pour vos déplacements, êtes-vous plus de type Yoshi ou Chocobo? Chocobo va plus vite, je pense. Il court, là. Ouais, je pense que ça court pas mal. Mais je suis quand même team Yoshi, mais je trouve que Mario est très, très chien avec Yoshi. Genre, il sort dans un trou, il drop dans le trou, puis il s'en va, là. Exact, exact. Ben, il est tuable. Mais, oui, il est tuable. Mais Yoshi te fait des œufs, tu sais, comme pas, tu peux jeu autosuffisance. Mais il n'y a pas un jeu où est-ce que genre les chocobos ont des jambes de métal puis ils deviennent un bateau maintenant, là, puis c'est genre des bateaux chocobos. Ça se peut. J'ai un flash de bateau chocobo dans la tête, là. On a déjà parlé On a déjà parlé de ça depuis moi ici, genre de bateau chocobo, là. Ah ouais, ça me dit vaguement quelque chose aussi. Mais il y a des jeux de course de chocobo. Il y a de quoi à faire avec les chocobos. Ah ouais. On a sous-estimé les chocobos. Moi, j'irais avec ça aussi. Je pense qu'une course d'autruche, ça va plus c'est vite. C'est vrai. Puis moi, je suis du genre à me dépêcher. Oui, oui. Fait que pas le temps de tirer la langue puis de pondre des œufs là, puis de faire des... Non, man. Mais Yoshi, part. C'est mon boy, par exemple. Ben, moi aussi, je l'aime beaucoup. C'est mon personnage en tout. Dès qu'il y a un Yoshi, je le prends. Là. J'aime aussi la toune chocobo. Là. Ouais, ouais. C'est une toune, ça aussi. Là. J'aime beaucoup ça. Fait que voilà. Trashy Jérôme. Quel est le meilleur jeu qui a copié dans le sens que c'est une lettre amour au style extérieur, genre Bloodstained avec Castlevania? Ben, je peux dire que Iron Meat, qu'on a critiqué ici, est une belle lettre d'amour à contrat, là, vraiment, vraiment hot. Excusez. Je rote. Qu'est-ce que... Y a-t-il des... Des lettres d'amour, des beat'em up, là, des bons... Ouais. C'est clair qu'il y en a des millions. Là, ouais, ben, ça me vient pas. Là, mais Bloodstained, Castlevania... Bloodstained, c'est le plus évident. Là, c'est... En effet. Puis Iron Man, c'est un bon choix aussi, je pense. Là. Oui. Tu sais, on peut pas dire Mighty Number 9 pour Mega Man. C'est pas un bon jeu. Fait que c'est... Mais moi, Gravity Circuit, j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Mais c'est pas une grande série, il y a rien qu'un jeu. Ah, il était, je l'ai pogné gratuit sur le Epic Store la semaine passée. Ah ouais, hein? C'est comme le Steam, un autre compétiteur. Puis à chaque semaine, il y a des jeux gratuits. Puis c'est genre des jeux de même. J'ai une librairie de 300 jeux gratis là-dessus, là, dont ça là-dessus. Faut mal jouer. Est-ce que... Messenger, Sea of Star, Chrono Trigger. C'est vrai que j'avais en tête, Sea of Star, les jeux, mais ces jeux-là. Sea of Star est-il un Chrono Trigger? Je pense que c'est une inspiration. C'est une lettre d'amour. Oh, ouais. Ouais, ouais, ça le fait. Wow, Olimel 00, c'est-tu en lien avec l'abattoir de Vallée-Jonction, s'il vous plaît? J'aimerais le savoir. Sinon, je pense qu'il reste juste un Olimel à Princeville, il me semble. Princeville. On salue les gens de Princeville. Ah ouais, il a fermé. Tenez-nous au courant sur les abattoirs Olimel. Messenger, ouais, mais moi, je trouve pas que Messenger, c'était tant comme Ninja Gaiden. Mais oui, mais... Y a-tu des jeux à la Ninja Gaiden qui sont pas Ninja Gaiden? J'essaie de penser, là. Ça me vient pas. Ça me vient pas. C'est des dures questions. On a donné une coupe. C'est des questions qu'il faut faire de la recherche qu'on n'a pas le temps de faire. Ouais, parlant de questions à recherche, j'appréhende le pire avec Matt Wimet qui nous demande une question très longue. J'aurais deux trucs à vous dire. Premièrement, je vous suis depuis vos débuts à Rétro Nouveau et il y a de très, très, très longtemps de ça, je vous avais fait du fan art sur Minecraft que vous aviez publié sur l'ancien site de Rétro Nouveau. Ah, ouais. L'autre jour, j'ai repassé à ça et je voulais le revoir, mais impossible de le retrouver. Et peut-être que je peux le trouver dans mes archives chez nous, peut-être, et des backups. Là. Oui, il avait fait la signature de Rétro Nouveau. Hein? Dis rien, faudrait que j'aille voir. Regardez. Je ne sais plus dans quel épisode, mais si on prend quelqu'un Snapchat, c'est moi qui l'aurais. Là, c'est... Puis on l'a sûrement montré dans l'épisode aussi. Ah, peut-être, ouais, ça se pourrait. On pourrait peut-être. Checker ça. Y a-t-il une façon quelque part de le trouver? Bon, voilà. Et bon, deuxièmement, c'est pas une question, mais une suggestion de jeu. Je sais pas si vous avez entendu parler de l'excellent Ball X ouais, Pit, ça, ouais. Qui vient tout juste de sortir. C'est du légendaire studio Devolver Digital. C'est de l'hostie de crack. Je vous le conseille fortement. Si vous n'y avez pas encore joué, c'est incroyable. Bon show et merci pour l'excellent podcast que vous nous offrez à tous les deux. Semaine. À tous les deux semaines. À tous les deux semaines, c'est ça, exact. Hey, merci beaucoup, Matt Wimet. Ouais, c'est très gentil. Très gentil. C'est... Ah, c'est ça. Tout le monde dans notre chat de WEG d'amis, genre, joue à ça en ce moment. Là. Ah, ouais, hein? Ouais. Je pense que Bruno joue à ça. Il y a plein de monde qui ont l'air de jouer à ça et de triper leur vie. Là. OK. Non, ça me dit rien. Projet de WEG. Mais c'est quoi? C'est quoi? Faut que tu tires des... t'avances. C'est sur rail, puis il faut que tu casses des affaires pour continuer d'avancer. Là. OK, c'est genre twin stick sur rail comme un schmop, mettons. Mais on dirait que des fois, t'as de la marde mauve qui arrive, fait que là, faut que t'équipes tes affaires mauves. Ouais, ouais. Ah, c'est intéressant. Ah, c'est un beau concept, ouais, j'aime ça. Ça a l'air bon. Ça me parle à maudit, ça, là. J'aimerais ça, moi aussi, ça me parle. J'aimerais ça l'essayer au WEG. On dirait un jeu de sel, oui, effectivement. Mais ça, c'est pas grave. Ah, c'était quoi le jeu sur Apple Arcade aussi, là, que... Finger Cut dans le chat, il joue à ça présentement d'ailleurs. Il dit que c'est un roguelike. Ça look Grindstone, genre, c'est ça le nom là, du jeu sur Apple Arcade, que tu faisais des combinaisons puis ça pétait des bonhommes. Juste de look, en tout cas. Ah, ben, ça a l'air très bien. Ça a l'air très bien. Très intéressant. Je mets ça sur ma wishlist. Ah, Olimel dans le chat qui nous dit aussi, il y en a un à Saint-Henri en Bellechasse, mais non, ça n'a pas de lien. Bon, d'accord. OK. OK. Peut-être qu'il aime beaucoup les viandes froides. Je le comprends. Gros fan de ballonné. Oui, du ballonné. Des chapeaux de ballonné et de l'anxiété. Qui aime pas ça? Papa Godzilla, selon vous, quelle cassette semble la plus délicieuse à manger? Pas sur le Switch. En tout cas, ça a l'air qu'il goûte pas bon. Oui, c'est vrai. Ils mettent du pas bon dessus. Ouais, mais sinon, tu sais, Burger Time. Là. Oui, déjà, il y a un burger y a un dessus. Burger, des saucisses. Toutes des affaires que j'aime. Des jeux de... Mais sinon, pour la couleur, tu sais, les cassettes gold, là, peut-être... Ah, le type de la cassette, ouais. Peut-être ça, tu sais... Il n'a aucune vraiment que j'ai fait comme... Hey, je vais prendre une croque là-dedans. Là, c'est... Non, c'est ça. Les Unlicensed de NES Bleu Poudre, là, on dirait peut-être des bonbons. Drôle de question. Voilà. Doyon. Patrick Doyon. Pat. Pour faire la paix avec Battletoads au NES, est-ce que JF a déjà envisagé de terminer Battletoads au Game Boy, qui semble une version plus accessible concernant le degré de difficulté? Non, j'ai même pas conseillé, mais je vais le finir un jour, Battletoads au NES. C'est pas impossible. Faut que j'apprenne par cœur. Faudrait que je m'investisse si je le fasse. Exact. Pour le finir un WEG à un moment donné, genre, puis avec le cheer de personne parce que tout le monde dort. C'est ça. Mais pour vrai, tu pourrais l'essayer. Ouais, je savais pas qu'il y avait une version Game Boy. Fait que je pourrais essayer sur ma pocket. Ouais. Bison qui dit la cassette de Dizzy avec un œuf dessus. Ah oui, c'est vrai. Mais ce que j'aime pas des cassettes Camerica comme ça, c'est qu'il y a un trou en arrière avec comme une place pour plugger un adapteur ou un module. C'est très étrange. Puis ils ont jamais sorti ce module-là, puis je me rappelle pas ce que c'est. Mais ouais. Fait que là, quand t'arrives là, ça te croque dans les dents la technologie. Là, j'aimerais moins ça. Une bouchée de technologie. Alors, on se retrouve comme par magie dans l'univers Meta. Meta! Donner la chance de boire un petit peu. Maintenant, les gens ont compris que la musique, c'est les pauses bières. Exactement. Faut que ça se boive, ces rousses de Pointe-à-Corbeau, là. Pointe-à-Corbeau. C'est Pointe-à-Corbeau. Alors, on y va avec notre ami Ian McMurray, amateur de bière également, qui me demande, Monsieur Cassette, si vous étiez né 10 ans plus tard, auriez-vous pris comme nom Papa CD? Oh. C'est une bonne question. Il n'y aurait sûrement pas eu Papa Cassette, en effet, si ma vie avait été de gamer sur pas des cassettes. C'est vrai. Parce que, tu sais, mettons mon neveu là, qui est né à la voie avec une Wii, là, tu sais. Ouais, ouais. Les autres, les cassettes, tu sais, ils comprennent pas ça, là. Ils savent ce que c'est puis tout, mais ils ont pas vécu ça, là, tu sais. Fait que, ouais, ouais. Définitivement, j'aurais eu un autre nom. Fingercut dans le chat qui dit. Si, ouais, man, tu m'encourages pas, là. Je suis au dernier tableau de Battletoad de la tour. Même avec le rewind, je suis pas capable de passer le dernier stretch. De mémoire, je me rendais au level 12, genre, mais c'est le plus loin que je me suis rendu. Y a-tu des continues infinies à ça? Non, c'est ça le problème. Ah, c'est ça le petit problème, hein? Me semble c'est le problème. Est-ce que Michael pourrait me faire. On va demander à Michael de nous programmer. Si il met des continues, il va le faire. C'est ce hey, que... Michael, si t'es à l'écoute, au prochain WEC, tu nous hack Battletoads. 10 minutes, dont 8 minutes de setup son affaire, là, puis ça va être fait, là, mais on le fera, là, si c'est le cas. On a pogné de quoi au dernier WEC quand Mike il s'est mis à hacker? Des jeux NES pour mettre des continues infinies. Moi, je réalisais pas que c'est ça qui se passait. Ah, ouais, en train de genre aller pisser ou whatever. Puis là, j'arrive. Oh my God, c'est le hacking! Puis j'étais en train de le rater. C'était vraiment hot. Charles Trudeau nous demande, est-ce que t'as déjà eu une visite du crime organisé quand tu avais Arcade MTL? Ça, c'est tellement une question qu'on a que j'ai eue là, souvent là, en étant propriétaire de bar. Pour vrai, non. J'ai jamais eu de ça. Par contre... Il y a eu pas longtemps. Il y a des shootings qui se font présentement dans. Il y en a beaucoup présentement de l'extorsion comme ça qui se fait à Montréal. Les bars se font tirer du gun. Ouais, le nouveau Shaker qui a ouvert à Saint-Hubert à côté de chez nous se fait tirer deux fois dans la même semaine quand ils ont ouvert. J'étais comme mon Dieu là. Ah, c'est ça. C'est ça qu'ils font. What the fuck là? C'est le crime organisé qui engage des jeunes de 14-15 ans là, des paumés là, puis qui leur donne des guns type, puis leur... ben ça a tout le temps été le cas du crime organisé là. Prends les jeunes qui veulent faire leur preuve pour leur faire ta job sale là. Exact, puis là ils passent des messages, ils tirent dans la porte, puis si tu veux que tout ça arrête, donne-nous de l'argent. Ben, ouais. X 1000 par mois machin, tu sais. L'extorsion, là, ouais, c'est ça. C'est de l'extorsion, c'est ça que c'est. Et puis présentement il y a une grosse vague de ça, il y en a beaucoup plus, puis c'est un hostie de problème. Puis des gangs de rue organisées qui se lancent là-dedans. Puis, mais nous, on n'a jamais eu. Mais est-ce qu'on n'a jamais eu parce que, genre, mon partner est d'un bar depuis longtemps qui connaît toute la game, connaît tout le monde, qui a réussi à nous tenir loin de ça? Tu sais, nous autres, on est. Genre, il y a un genre de respect parce que lui est là, genre, mettons. Ben, ou ça, ou genre, avec les autres bars, tu sais, il y a des ententes, tu sais. J'en ai aucune idée. Moi, je viens pas du monde des bars, mais ouais, tu sais, comme j'ai eu un bar, mais je viens pas de ce monde-là. Puis nous autres, on était comme, yeah, on boit de la bière. Ouais, des arcades! On joue à Pac-Man. C'est peut-être pour ça qu'ils sont pas venus aussi. Là. Ces gars-là, ils jouent à Pac-Man. Il y a ça aussi. On n'est pas une grosse place, là, tu sais. Tu vas pas tirer dans les portes, des petites places. Ils n'ont pas d'argent. Non, même si je te donne 500$ par mois, tu vas me faire fermer, tu sais, ça n'a pas rapport. Fait que peut-être c'est ça aussi. Fait que des fois, je me demande, tu sais, si c'est pas genre, on a été protégé par les gens on de bord autour de nous, mais on saura jamais plus là-dedans. Dans le chat, y a-tu des questions? Il y a Mr. Rat Super qui dit qu'il a failli cash out pendant votre promo Fête du Travail pour un Panic Restaurant ou un Kit Camp. Ça fait deux fois là, qu'il call, qu'il est sur le bord d'acheter un Panic Restaurant. On va l'avoir, Dom. Il va lâcher le Panic Restaurant. C'est ça, hein? Mais attends un peu. J'ai failli cash out devant. C'est ça. Ça aurait dû? Oui, oui, ben c'est cher, c'est cher. Mais oui, c'est cher. Ouais. Mais je te dirais, mon cher Mr. Rat, que si tu connais bien Retro MTL, tu sais qu'on fait des ventes de Black Friday, tu sais. Alors, si c'est pas parti d'ici là, tu sais, il y aurait des chances que tu puisses avoir peut-être un petit escompte sur cette grosse cassette-là. Là. Alors, check ça. Fingercut qui dit dans le Rare Replay, t'as le Save State et le Rewind qui aident beaucoup. Ah, OK. Ah ouais, hein, si tu joues au Rare Replay. Bon, ben, coudonc. Fait que, Mr. Ratman, check it out. Sinon, ce qui va se passer, c'est qu'on va séparer les deux. On va... Ah non, on a... Je pourrais donner son nom. C'est-tu deuxième Mr. Rat Super, son nom, ou c'est ILLL? Je sais pas, c'est ILE. C'est-tu second Mr. Rat Super? Moi, ça me donne comme le Lil. Il va nous le dire tantôt. Ouais, c'est ça, il nous le dira tantôt. Il Mr. Rat Super. OK. Comme une île, là, une île qui flotte. Je comprends. Oui. Il Mr. Rat Super. On sait pas pourquoi, par contre. J'attends des fraîchettes. Ouais, on avait c'est compris, c'était un fraîchette, bros. Mais on comprend pas l'origine du nom. Faudrait que tu nous écrives un gros paragraphe. Envoie-nous une missive. En attendant qu'on soive la missive. Ça vient du latin. Ah, ah, ça vient du latin. Qui aime tout le monde, c'est l'autre Freshette Bros, hein, non? C'est ça, c'est hein? Juste du monde de leur famille. Alors, Michael Belzil nous dit « Ça fait deux fois que l'analogue 3D est reporté. Croyez-vous qu'ils vont respecter le dernier update qui est de Q4 2025? » L'analogue 3D? Ça, c'est... oui, c'est la console... c'est la 64 faite par Analog. Ah, oui, oui, oui, oui, OK, oui. Ouais. Donc, ça s'en vient. Mais c'est moi, je ne l'ai pas précommandé, ah, cette oui, machine-là. Oui, c'est là. Moi, je la voulais, mais elle n'était plus disponible quand je l'ai commandé. Ouais. Exact. Fait que ça me semble reporter beaucoup. Et puis, est-ce que ça va être disponible en Q4? Pour vrai, man, j'en ai absolument aucune idée. Je sais pas. Je suis pas du tout ce dossier-là. Mais je serais pas surpris que ça aille à l'année prochaine. C'est une grosse ça va être une grosse machine pour ouais, eux. Oui, oui, mais quand elle va redevenir disponible, c'est sûr que je la prends, celle-là. Ah oui. Ça, ils vont en vendre. Tu sais, la Duo, ça, c'était pour rire, là. Ouais, mais ouais. Ça demeure une machine très. Que j'aimerais vraiment avoir, là, tu sais, mais j'ai pas beaucoup de jeux, puis je me lance pas là-dedans. Mais c'est crissement beau. Mais des 64, man, ça parle à tout le monde, là, tu sais. Je vais y écrire mon gamer tag comme il faut, parce que là, Il a dit son gamer tag a autant de rapport que celui de Sergent Gowan de GF. Et moi, c'est LT Gowan, mon. Comme ça. Lieutenant Gowan. Moi, je suis Lieutenant Gowan, pas Sergent Gowan. Ça se donne de la merde, Steve, eh oui. Dans le chat. On va prendre un coup de vieux. C'est bon, ça. Il y a de l'action dans le chat. Rémi Chabot nous demande d'après vous, quel est le jeu le plus dur de la NES? Man, Battletoads. C'est pas le plus dur, parce Bayou qu'il est Billy, faisable. C'est cassé. Bayou Billy, c'est impossible. C'est le genre de jeu-là cassé, tu peux pas y passer. Fait. Non, c'est ça, trop dur, c'est trop dur. Mais ça compte-tu, c'est parce que c'est brisé, tu sais. Ben, c'est pas brisé, là. Tu sais, brisé, c'est comme... Ah, tu sais, c'est un style de quasiment un bug ou je sais ouais, pas quoi. Ouais. Mais est-ce qu'on pourrait-tu le passer pour vrai, Bayou Billy, si on se forçait puis on mettait beaucoup d'efforts? J'ai comme l'impression que non. Okay, okay. J'ai l'impression qu'on pourrait pas mal plus finir Battletoads que Bayou Billy. Peut-être. Mais c'est une très bonne réponse. Ce Bayou Billy-là est un jeu fait par une compagnie propre de l'époque. Et puis, Chris, le jeu est... Puis sur Famicom, il est facile. T'sais. Ah ouais, OK. Mais là, ils l'ont tellement mis tough que je vois pas. Puis je m'y suis remis. Maintenant que je suis grand, ouais, ouais. C'est mon jeu d'enfance. Ça. J'ai eu ça à Noël. Je me suis dit, je vais jouer à ça maintenant avec mes skills de grand. La portion beat'em up, man, c'est pas compréhensible la façon que la mécanique fonctionne. T'sais, comme les ouais, coups ouais. Ils partent n'importe quand de la part des ennemis. Puis comme tac, tac. Comme, ah, si, je me suis pris deux shots. Pourtant, je bouge. Puis des fois, ils bougent pas. Puis tu sais, c'est imprévisible. Là, c'est mal fait. Fait que tu peux pas calculer rien, c'est quasiment de la chance. Donc, pis il y a des gros crocodiles à tuer à coups de poing, man. Ça prend des heures. Ouais, c'est hyper déprimant, là, tu sais. Fait que, non. Toutes ces classiques-là qu'on a parlé, Amagon, là, pis ces affaires-là où sont dures. Mais genre, je pense que Bayou Billy, c'est le plus tough, là. Ça. On va dire Bayou Billy pour nous. On n'a pas joué à tous les jeux, j'en ai joué beaucoup, mais. Sur le poster, là, il y en a dessus. Non, eux autres sont toutes faisables. Ben, Mac Rider, je sais pas si ça se finit, ça a l'air fucking tough. Ice Climber, ça doit être infaisable, là. C'est Rider. Tellement dur. Ah ouais, le ben jeu ouais, de ouais. Moto, là. J'ai jamais donné leur chance beaucoup à ces jeux-là, en effet. On y va avec Bayou Billy, mon cher ami. Ouais. Laurent nous demande, pensez-vous que les vidéos AI avec AI. Sora vont trop loin? Plus précisément, ceux qui utilisent des célébrités et personnes connues pour en faire des faux vidéos. Y a-tu ça? Oui. Tu peux, ben, il y a toutes sortes d'affaires, là. Sora, c'est le système d'OpenAI, je pense, qu'ils ont sorti pour... non, c'est OpenAI. En tout cas, ils ont sorti ça que tu puisses générer des vidéos. Tu peux faire maintenant des caméos. Fait que tu te filmes, tu t'enregistres, puis ils te modélisent un peu. Puis tu peux, après ça, faire un prompt qui va générer une faux vidéo. Il y a des gens, mettons, François Lambert, il est lui, allé. Il s'est mis public là-dessus. Fait que je peux faire un caméo avec François Lambert. Je l'en ai fait plein, genre, en gossant. Parce que je gossais ça avec Eric Gaultmont puis Élie, puis... Ça, tu peux. Puis tu sais quoi? C'est une crise de bonne idée qu'il ait fait ben ça. Oui. Ça, c'est ben du, oui. Ça, c'est du marketing fois mille. Mais le bout, c'est-tu qui a compris? Le bout où genre, il a chialé et il avait raison de chialer, c'est la fille genre de la porn. Là. Qu'est-ce qu'elle a fait? C'est qu'elle a pris cette vidéo-là, elle a enlevé le logo Sora, puis elle a fait comme une vraie pub avec. C'est pas correct, ça. Tu fais de l'argent sur le dos du monde. À l'intérieur de Sora, pour moi, ça me dérange pas ce qui se passe. Puis tu peux aussi... Ils ont mis des balises, puis tu sais, ils réglementent ce qu'ils font puis ce que tu peux faire. Mais des fois, là, t'es comme, mets-moi dans le tableau de Super Mario. Il veut pas copyright. Mets-moi dans un jeu vidéo de début fin 80 avec un plombier et un champignon, puis il m'a mis calissement Mario. J'étais comme... Ça, c'est weird, ce bout-là. Ah, genre, c'est le bout qui ont rendu ça public très vite. Je trouve ça bizarre aussi. Là. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est parce que tout le monde, tu sais, t'as Gemini, ont leur propre truc. Fait que tout le monde est un peu là-dedans en ce moment. Mm. Mais tout le temps qui est investi de monde à chialer sur ça, vous voyez pas en arrière ce qui se passe, puis tout le vrai pouvoir du AI, c'est quoi? C'est la capacité de réflexion de la machine en arrière, là. Ouais. Mais ça va-tu trop loin? C'est ça qui était peurant, tabarnak. Ouais, Chris, oui, ça va bien trop vite. Puis il y a bien des compagnies qui vont se mettre vraiment dans la merde rapidement à cause qu'ils vont adopter le AI trop vite, trop intensément, sans faire des revues de genre de sécurité puis d'affaires comme ça, là. C'est dangereux par vrai. Faites attention quand même, là. Mm. On en parle souvent, nous autres, hey, c'est le fun, on l'utilise pour travailler. Attention quand même, c'est pas la vérité absolue. Ça peut être dangereux aussi que vous exposez là. Vos données s'en vont, vous savez pas où, là. Faites attention, ouais. Là. Mais ça va-tu trop loin? Ben, non, je veux dire... J'en ai montré tantôt de moi des vidéos de moi pis Ellie qui font des faux talk shows. Pis... Ah, mais ça, c'est vous qui avez... Ça, vous êtes mis dans Matrice pour rigoler. Oui, oui. Mais est-ce que tu peux, mettons, me prendre moi? Pis faire... J'ai essayé, pis ça marchait pas. J'ai fait genre, GF explique à Papa Cassette c'est quoi, genre, Sora, pis c'était pas toi. Mais il y avait mis un gars avec une casquette avec une manette de NES, fait ouais. Il comprend un peu, mais il peut pas aller chercher ton likeness. Mais si tu dis, genre, Martin Luther King à Raw fait quelque chose, il y a du monde qui l'ont fait, là. Pis c'est lui, là, avec sa voix, là, pis je suis comme, ok, c'est fucking, là. Ouais. Ça va être trop loin, mais ça va trop loin quand le président des États-Unis fait une vidéo Sora de lui dans un jet qui dompe de la merde sur du monde. Tabarnak, t'es le président des States, là. Il a fait ça? Il a fait ça, là, récemment, la semaine passée. Je suis comme, qu'est-ce que c'est ça, là, genre, ça n'a pas de sens, là. C'est délirant, man. Mais, ben, Eric, notre ami Eric en a fait une avec moi en reprenant une photo. Mais du ça, WEG, c'est par Gemini, je pense, que tu peux faire ça. Ah, c'est Gemini, ça. Mais tu peux lui passer une photo comme prompt, genre, de Mario. Ça. Mario, il fait il fait un court-métrage, genre, en épisode, puis tu peux lui donner le dernier frame de ton ancien vidéo comme référence pour qu'il poursuive là-dedans. Je sais qu'Eric, il gosse sur Gemini aussi. Fait que oui, il peut prendre une photo puis l'animer. Il a pris des photos de Wade de nous autres puis il animait, tu sais, on fait des affaires. C'est ça, ça. Ça va trop loin. Ça va trop vite, selon moi, puisque trop loin, là. Ouais. En même effet. Temps, c'est ça. Il nous donne ça pour une raison, là, cette compagnie-là. Là. Oui. Je l'ai dit tantôt, mais si tu payes pas pour de quoi de ce genre-là, c'est parce que t'es le produit. Fait que. Exactement. Clairement, là, ils utilisent notre biométrie, voir si ça marche puis tout ça. Ça va trop loin. Je sais pas. Hein. Des combats de lutte entre Elisabeth II et Diana. Ah, j'ai vu ça. J'ai vu hier, genre, une affaire de, je sais pas, Helen Keller sur une échelle qui. Elle va faire un dive. Oh non, elle sautait du mauvais côté du ring. Elle tombe sur la table. Je suis comme, ok, c'est tellement cave. Mais c'est les voix des animateurs de lutte, là. C'est, ouais, c'est ça. J'ai pas une vidéo de moi à lutte. Mario a fait une vidéo de moi à lutte qui fait un run-in avec un sac, avec un rack de Doritos. T'entends Michael Cole dire, he's got a full rack of Doritos. Puis genre, je frappe du monde avec le rack. C'est malade, mais. Mais c'est ça, c'est n'est que du niaisage aussi, là. Ouais, pour exact. L'instant, là. Puis tu sais, en même temps, tu dis, ah, l'AI va. C'est l'humanité, tu sais, ça va plus loin. Puis là, on fait juste des hosties ben oui, de Doritos puis de ballonnés. Qu'est-ce que tu penses que le monde a fait quand on a commencé à avoir des 3D printers à la maison? Des bongs, des dildos, des gros pénis. C'est ça, c'est ça. Des guns en plastique. C'est ça, le monde, là. C'est qu'on est cave, pareil. Oh boy. Et moi, je m'en sers beaucoup de l'AI, mais ce volet-là n'est que du divertissement là, pour moi. Là. On a un chat, c'est pareil qu'on fait juste se poser des niaiseries. Puis moi, je ris à toutes les fois les affaires que je vois, puis ça arrête là. Là c'est... Ouais, c'est ça. Après ça, il va sortir une pub en Chine de quelqu'un qui a pris ma face. Peut-être. Rendu là. Comme Homer. Ouais, comme Homer. Mais tu sais, tu peux générer des avatars qui ont l'air des vraies personnes maintenant. Fait que pourquoi quelqu'un prendrait ma face? Genre, à part me voler peut-être mes infos avec ma rétine, je sais pas quoi, là, mais... Ouais. C'est le bout qui est moins safe, là. Puis, tu sais, un moment donné, ça va arriver, là. Il y a des vedettes qui vont se faire mettre dans des places, puis qui sont comme « Tabarnak, j'ai jamais dit ça, tu sais, ou whatever. » Fait que là... Il y a plein de pubs. Ça se faisait déjà avant avec les photos qu'ils généraient. Tu peux faire avec des montages photos aussi, tu sais. Fait que ça, c'est pas nouveau, mais là, ça devient accessible d'avoir du monde dans tes affaires, là. C'est... Non, c'est ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on va peut-être se... désensibiliser c'est ce ou que pardonner. Je alors, quand on va voir Marie-Pierre Morin dans une vidéo en train de faire une affaire dégueulasse, on se dit, attends un peu, là. T'sais, mais ce qui va se passer, c'est que sur le prochain 10 ans, tout va devenir à peu près AI, genre, de ce qu'on va voir. Fait qu'on va tellement s'écœurer que la génération en dessous, on va faire comme fuck, là. Fuck ça, genre, on va, tout ça est faux. Ouais, c'est ça. Après moi, c'est ce qui va se on passer. On peut plus savoir qu'est-ce qui est vrai du faux. Là, tabarnak, là, on a un problème. C'est le problème d'où est-ce qu'on s'en va, c'est que là, on perd la crédibilité là, en ce moment. Oui, exact. Tu sauras plus jamais qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Exact. C'est rendu tellement bien fait là, que des fois, je suis quand même. Ben, voyons. Puis je vois, imagine les preuves en vidéo. Ça, tout ça, là, genre, preuve vidéo en cours. Ça marche plus, ça, là. Non, exact. Tu peux faker, genre, que ça soit même pas détectable. Puis j'ai vu du monde, genre, sur les reels de Facebook, t'as vidéo AI, vidéo pas AI en haut, puis c'est comme, guess lequel. Puis les personnes se trompent tout le temps. Ah ouais, il y en a des aussi têtes que ça. Oh, c'est fou. Parce que moi, les conneries qu'on voit, tu sais, ça paraît, là, on sait tout de suite, là, tu sais. Mais tantôt, celui avec moi, puis Ellie, il était pas pire, pour vrai. Tu voyais mes dents de weird, genre, c'est pas mal que je me. Que j'agis, mais. Tu me tromperais pas avec ça. Non, toi, là, non, t'sais. Là, mais. Ben non, mais n'importe qui, là. Non. Mais j'en ai vu une couple, là, que genre. C'était seamless, là, genre. Que moi, j'ai pris Ellie faire des affaires, puis j'étais comme. Ah, oh, c'est fucké, là. Puis Ellie m'a mis dans des situations, je regarde, je comme. Je me regarde, me regarder en AI, puis je suis comme. Là, j'ai rendu que j'ai genre des pensées, de mémoire d'affaires qui se sont pas passées pour vrai. Ah, non, on s'en va très loin, très vite. Là. Ah, écoute. Je pensais que le VR, c'était spécial. Là. On s'en va ailleurs. Là. Genre, puis là, on a juste 40 ans. Ben, 45. Là. 42, là, 43 bientôt. Puis à la vitesse que tout ça se développe, on a le temps quand même avant de mourir, si on meurt de notre belle mort. Ouais. On en voit beaucoup. Là. On va voir beaucoup de choses encore. Fait que je suis content de ça, c'est intéressant. Mais là, tu sais, moi, ce que j'ai vu, puis ce que je vois avec Mario, hey, on se fait-tu des jeux FMV? Genre qu'on peut. Pas besoin d'acteurs, pas besoin de tout ça. On va générer des FMV, on va faire des jeux FMV. Là. Oui. C'est la prochaine. Tu pourrais carrément être dans le FMV, toi, modélisé, si tu voulais, rendu là, tu sais. Ouais. Mais t'aimerais tout ça. Ben, je sais pas. Ben, pas si c'est 100% généré par un AI qui a même fait le scénario du jeu. C'est un scénario, puis t'es comme. Cette scène-là, ça va être telle affaire. Génère-moi ma scène, génère-moi mes acteurs, tu sais. Peut-être, là, je sais pas. Mais il y a plein de monde qui sont pas payés pour faire ça. Mais ils seraient pas. Moi, c'est dans, là, le genre la ligne pour les artistes, de genre, ouais, mais là, genre, t'as pas payé le gars qui a dessiné le background, t'as fait automatiquement. Ouais, mais j'ai pas l'argent pour payer ce gars-là, je l'aurais pas payé anyway. Fait que, je comprends, là, les artistes sont comme, ah, le AI. Moi, je suis comme, ah, les enfants qui généraient pas de revenus puis que j'aurais pas payé pour. C'est des outils, là. Ouais, mais en même mais temps. Mais il y a un bon débat à avoir là parce que le copywriting, ça me fait peur, moi. C'est là où est-ce que les artistes vont perdre leur argent puis leur job puis tout. Toutes les copyrights sont à revoir en ce moment là. Comment ça? Mais les droits d'auteur, ça marche plus là parce que là t'as des AI. Non mais toi qui t'écris une chanson demain là. Ben moi j'écris une chanson demain que je passe dans genre comment ça s'appelle? Suno je pense l'affaire qui fait des chansons. Si j'envoie mes paroles puis j'ai dit prends un air connu de telle affaire, il s'est basé sur quelque chose qui existe lui là. Non mais il y a plus de copyright, on s'entend. Je sais mais c'est là où est-ce que la ligne est weird je trouve de comme ok mais il s'est basé sur du stock connu, fait à quel point c'est du genre de passer par dessus des copyrights ou ben, le stock. Ouais. En ce moment, ce que je veux dire, c'est que. S'il va copier Yellow Submarine. Oui. Tu sais, comme, of course que c'est volé du copyright, là, tu sais. Mais en ce moment, c'est un peu flou, tout ça, là. Ouais. C'est... Mais je suis d'accord, parce que. Là, on parle tellement pas du jeu vidéo. Ouais, mais c'est pas grave. Mais. Comment dire? Moi, mettons, quand je fais des maquettes en graphisme pour le nouveau visuel du prochain congrès de l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréées, ouais. Là, j'ai des idées. J'essaie de trouver des idées. Là, le thème, c'est genre la créativité. Fait que là, moi, je pense... C'est tout vrai, ça, là. Ouais. Je pense à des cerveaux, le côté droit. Je me rappelle plus si c'est le gauche ou le droit, le côté créatif. Puis là, j'ai comme eu l'idée, « Ah, man, je vais en faire des cerveaux, tu sais, avec un côté allumé. Ouais, » ouais. Puis là, mais là, je sors pas ça de mon cul, là, tu sais. Je vais sur des sites web plein de réalisations de designers qui mettent ça là pour voici tout ce que j'ai fait. Puis moi, je m'inspire. Puis quand Internet n'existait pas et j'étais au cégep et ça n'existait pas, on allait à la bibliothèque sortir des livres de design pour voir tout ce qui a été fait. Puis là, regardons ça, l'époque du Bauhaus, comment c'était droit, les lignes, tout ça. Je pense que je vais essayer ça dans mon design pour mon cours de typographie, dans mon magazine, il faut que je la fasse la mise en page. Ouais. Puis là, je le faisais. Puis là, si je fais ça avec du AI aujourd'hui, je fais exactement la même affaire. Là. Mais c'est pas moi qui fais les recherches. Lui, il fait les recherches. Moi, j'ai dit, va chercher genre le style Bauhaus, puis va chercher les fonts de David Carson. Puis, il me semble un mix de ça, ça serait beau. Puis là, il me concocte une maquette à la vitesse grand V qui m'inspire pour peut-être arriver à quelque chose d'autre qui sera mon produit au final. Exact. Mais tout n'est que inspiration. dans le monde artistique. Sauf que t'as plein de monde qui vont faire ce que tu fais là, puis que ta maquette va donner leur produit livrable qu'ils vont envoyer. Fait que là, si ma maquette est intéressante, puis après ça, ben quelqu'un voit mon travail. Ben, c'est ça, je dis, c'est tout le monde voit le travail des autres et pompe d'autres affaires. C'est ça, le monde des arts. Oui, oui. C'est en évolution, c'est très flou, puis je pense qu'il y a des gros débats à avoir là-dessus. Puis mon problème avec ça, c'est que je trouve que les gens qui veulent le plus avoir de débats là-dessus, c'est ceux qui veulent moins faire de débats là-dessus. Puis ça, ça commence à me faire chier. Le monde, là, qui sont comme « Fuck you, votre AI! » Hey, on peut-tu avoir une discussion? Vous êtes juste des hosties de réfractaires au changement, là? On peut pas se parler clairement? Non. Fait que « Fuck you, ton de anti-AI! » Mange la merde. C'est comme... Moi, je vais avoir un débat avec des gens des deux côtés, puis qu'on se parle, de faire comme « Il y a une grosse technologie qui s'en vient. » Faut qu'on trace une ligne de genre « Où est-ce que ça s'arrête? » Puis... Mais si le monde qui sont anti-AI font juste être anti-AI puis écoutent pas, mais il y aura pas de progrès qui va se faire, puis ça va être le Far West comme c'est là. Puis il y a des jobs qui vont se perdre, puis il n'y aura rien qui va avancer, là. Non, exact. Faut que tu t'adaptes, mais faut qu'on en parle tout le monde ensemble. Ouais. Parce qu'il n'y a rien... Ça va arriver. Mais on a des groupes d'amis, là. Puis moi, je me prononce jamais sur rien parce que tout le monde font juste dire de la crise de merde, là. Il ben, y en a qui sont pour. Dans nos amis, il y en a non, qui sont pour, il y en a qui sont contre. Oui, mais ceux qui sont contre veulent pas débattre. Ils veulent juste dire qu'ils sont contre. Ouais. Excusez, là, c'est un train en marche. Fait que vous allez vous faire ramasser, là. Vous avez aucune arme contre le AI, ça s'en vient, on est pogné avec ça, c'est parti puis on est pris là. Mm-hmm. Fait que là, faut en parler comme il faut, je pense. Faut avoir des vrais débats, faut avoir des débats gouvernementaux, de ça. Il y a plein d'affaires à parler en ce moment, puis c'est pas en disant fuck le AI que ça va se régler, là, ces débats-là. Ayons des discussions, là. Ben écoute, si tu choisis de dire fuck AI, si tu dis on est doomed anyway, puis ça donne rien. Ah, oh, mais genre. Fait oui. Que ça amène. Ben non, part, non, mais là. Ce monde-là débattront pas parce qu'ils sont juste comme ben fuck le AI, ça m'intéresse pas. C'est le monde avec les gens, le flambeau dans les airs. Il y a des bienfaits à tout ça, là. On va guérir des maladies grâce au AI bientôt, là. Ouais. Le cancer, là, il y en a pour 5 ans. Ça va être fait après ça, là. Je suis content qu'on développe une autre maladie, là. Relié au AI. AI, c'est ça. Le AI va se rendre compte qu'il va nous injecter, genre, un vaccin contre le cancer, va nous mettre de quoi d'autre, parce que c'est nous autres le problème sur la terre, là. Ils peuvent-tu m'injecter la chip, là, mais dans le poignet, là, pour mes passwords, s'il vous plaît? Mais ça, parce que moi, je veux en parler. Je veux en discuter, mais je peux pas. J'ai genre soit du monde qui sont hyper pro puis dedans puis qui vont en full pin, ou du monde qui m'envoie quasiment à chier parce qu'on utilise ça. Je suis comme, mais ouais. Faut qu'on se rejoigne dans le milieu maintenant là, là-dessus. Là. On n'aura pas le choix. Là. Écoute, le WEG est la meilleure place. On va être, genre, ouais. On va être 40. 40 sous à 40 sous. On va tous s'asseoir en rond puis on va en parler. Le AI, le futur, c'est le AI ou la Troisième Guerre mondiale. Ça va être les deux en même temps. Ouais, why not both? Hey, qu'est-ce qu'il y a dans le chat? Il y a du monde qui parle, là. Il dit, j'ai prédit bientôt qu'il va y avoir 50 nouvelles saisons de Bob Ross en AI en 4K. Moi, j'ai vu Bob Ross, là, qui peinture la face de, genre, Ultimate Warrior, des affaires comme ça, là. Il y a plein d'affaires avec Macho Man, où ça me fait capoter, ça, c'est drôle, là. Ça, c'est hot. King Wallop qui dit que la banque allemande avait déposé un compte rendu sur ça. C'est la prochaine bulle à éclater. L'investissement va trop vite pour un rendement moindre. Alors, faites attention, investisseurs. Ouais. Mais bon, à suivre. Quand tu fais ton naïf avec Gemini, il fait n'importe quoi pour toi. Ouais. Il y a des conquêtes, du monde qui slappe des mains. Imaginez les preuves Néo en cours, Bob Ross en effet. Donc, ouais. Mais on a fait une couple de vidéos en jouant avec ça, puis j'étais comme, my God, c'est fou, là, ça là. Ah, exact. Non, écoute. Eric s'est fait dans une biopic sur John Candy, puis j'étais comme, OK, c'est fucké, là. C'est très bien fait, là. Ah, ouais, c'est clair. Une AI de l'homme d'Encino qui joue à Lady in the Wilding. Ben, je m'en occupe demain. Ah, oui, il y a quelqu'un dans le chat qui a mentionné qu'il avait trouvé bien SS Frank, le chat. SS Frank qui a trouvé. Pour ceux qui n'ont pas catché la référence, je parlais. Ah, c'est 1-0 canadien. Le New Hook. Celui que je m'attendais pas à ce qu'il score. Ah, ouais, hein. Bon, ben, coudon. Tant mieux. Donc, Lady in Wading est un jeu Atari dont j'avais fait un story, puis on nous avait demandé ici à l'émission qu'est-ce que c'est ça, puis dit c'était ça, puis là je l'ai mis en... C'est tellement old school maintenant, mais j'ai mis sur la page Facebook en bannière Lady in Wading. Je sais même plus si ça apparaît quelque part, ça, à cette quand on va sur des pages de choses. Y a-t-il on l'a voit-tu encore, la bannière Facebook? De... J'en ai aucune idée. Tu vois, le AI, il ferait pas ça, mettre une bannière de Lady in Wadding. Hey, c'est tellement à faire des bannières Facebook. Man, ça... Je me sens vieux là, à faire ça. Là, mais en tout cas, je suis vieux aussi. Oh, l'air. Mr. Rat qui dit, j'ai manqué le début, mais as-tu acheté Pizza Tower sur Switch? Non. Puis pour vrai, on en a commandé pas beaucoup de copies. puis on les a vendus quand même rapidement. Bruno avait critiqué ça à Rétro Nouveau. De la compagnie Tour de Pizza. Exact. Et puis, ça avait l'air le très fun, bien, ouais. Mais avant de l'acheter, avant de me commettre, on dirait que j'aimerais ça l'essayer. Okay. Mais là, d'un autre côté, j'ai l'impression que j'ai raté le bateau, puis que les copies, il n'y en a pas tant que ça, okay. Puis que j'aurais dû l'acheter. J'ai l'impression que ce jeu-là va prendre la valeur. Mark my words. Bon. Alors, Dominique Ostigui, pipi cacapouelle dans le qui chat. Qui est là? Crois-tu avoir le courage de terminer Silksong à 100%? Ce qui est très drôle, parce que sur la page Facebook du groupe... faire une page Facebook. C'est assez vieux, ça. Ben, finir des cassettes. Finir des cassettes. Il y a quelqu'un, qui a un auditeur aussi, qui a publié qu'il avait fini Silksong. Ça lui a pris genre 85 heures. Tabarnak. Et puis là, je suis comme... Pour faire 100%. Ouais, ouais. Mais là, je suis comme... Ça m'a scié, là. Moi, je suis rendu à peu près à 15 heures, même okay. Moins que ça présentement. Là, puis là je me dis, waouh, je suis au cinquième, même pas du 100%, tu sais. C'est fou, là. C'est beaucoup de temps. C'est beaucoup d'heures, là. Mais c'est plaisant. Fait que le courage, man, je dois dire... Le dernier jeu que j'ai mis autant de temps, c'était Zelda, là. Breath of the Wild. Ouais. J'ai jamais mis 85 heures, je pense, dedans, là. Ah, quand même. Ouais. Mais j'ai jamais mis autant de temps dans un jeu, moi, 85 heures. C'est le un des seuls, j'ai fait ça, là. Ouais. Ils m'ont t'es rendu où, Pépi? Je suis rendu où? Ah, il y a 72 heures, hein? Shit, quand même. Ben, bravo. T'achèves. Ben, peut-être que je vais me rendre aussi loin que ça que vous, guys, parce que vous semblez tripper, puis je trippe, puis ici, le niveau si de trippement se maintient, je vais le faire avec plaisir. Je joue à tous les jours, je joue une heure par jour, là, présentement, dépendamment de mon temps, puis j'aime beaucoup ça. Mais des fois, je passe l'heure à essayer de battre un boss, tu sais, là, c'est pas exploré pendant ce temps-là. Il dit acte 3 au début, puis acte 3 au début, ok, moi, j'étais en train de battre, essayer de battre une bébite de cloche, là, qui va m'amener à un acte prochain, là, je pense, là, fait que c'est ça. Mais là, j'arrivais pas à le battre, puis là, je suis tanné, je suis fatigué. Puis, quand, c'est ça qui est tannant, ces jeux-là. Là, tu te gambades, tu découvres la map. J'ai donc bien du plaisir. D'un coup, t'arrives à un boss. Là, c'est comme, ah non! Là, je suis rendu à faire ce boss. Ouais. Encore un boss, tu sais. Des fois, ça me tente pas de frapper des boss, puis il y en a quand même beaucoup. Okay. C'est ça que je peux dire que j'aime un peu moins. Cédric Fisher. Toujours un plaisir de vous écouter. C'est... Ah oui, et puis Pipi Cacapouel, il dit le rest bench est loin. Ouais. Dans ce jeu-là aussi, dans Silksong, les bancs pour se sauvegarder sont tout le temps un peu loin okay. Des boss. Mais pas hyper loin, mais juste un peu loin. Bien gossé, pour que tu aies besoin d'en faire un petit. Ouais, ouais. C'est con, là, man. Je le connais juste... le bout par cœur de me rendre du bench au boss sans me faire toucher. Arrête de me faire perdre mon temps. Colle-moi les benches, ces boss à tout le moins. Chris. Ça me gosse. Donc, Cédric Fisher qui dit toujours un plaisir de vous écouter. Je suis surpris de ça. Je suis merci. Parce que je connais Cédric Fisher. Okay. Je pense qu'on ne s'est jamais parlé en vrai. Et puis, il était chroniqueur à RDS un moment donné. Ah ouais? Présent dans le CCJVQ. Okay. Et puis, j'ai tout le temps été sous l'impression que j'étais une espèce de vulgaire hurlu-berlu à ses yeux. C'est vrai! Il y a du monde, tu sais, parce qu'on parle de battes, puis de bière, puis d'affaires de même, tu sais. On enlève la noblesse, tu sais, à la collection de jeux vidéo. Ben, moi, en tout cas, je parle pour moi. Puis, j'ai l'impression des fois que c'est ça, tu sais. Autant que je suis vocal, j'essaie d'amener les jeux vidéo rétro loin, puis les mettre sur la map, puis de faire des business autour de ça. Autant que j'ai l'impression que pour des gens, je suis comme vulgaire, tu sais. Et puis, ou pas à ma place, ou quoi que ce soit. Puis j'avais l'impression que c'était ça de Cédric. OK. Alors, je me faisais une fausse impression. Donc, il y a du plaisir à nous écouter. Bon ben, j'apprécie beaucoup. Question concernant ton projet de musée. J'ai compris que c'est sur la glace. Mais es-tu au courant du projet en France de l'Odyssée lancé par Tev de la chaîne YouTube ici au Japon? Un entrepreneur français vivant au Japon, ils appellent ça un musée, faute de mieux, mais ce sera plutôt un centre d'exposition et de divertissement avec plusieurs entités. Marques qui ont gravité autour, goodies, nourriture, etc. Leur point de vue, et je le partage, c'est qu'un musée axé juste sur l'histoire de jeux vidéo ne peut pas être pérenne sur le long terme. Ouais, faut que tu puisses jouer à ces jeux-là. Ouais. Parce qu'un tel projet aurait sa place ou chance de survivre au Québec, merci. Ben, quand le musée était dans. Quand j'en parlais, puis tout, puis qu'on a eu des. Pas beaucoup, mais les meetings où est-ce qu'on en parlait. C'est clair, il allait avoir du gaming là-dedans, des tournois, des activités. Faut faire de l'argent. Comment ça s'appelle l'affaire qu'il y a eu? Game On, là? L'expo dans le vieux. Quelque chose de genre, là, avec plus de collections. Puis de... Ouais, puis il y avait des arcades. Mais tu peux jouer des affaires. Là, mais je suis d'accord que juste des affaires statiques avec dates. Tu peux pas faire un musée comme genre un musée d'art que tu regardes des peintures. Le monde va quand même. Faut jouer au jeu. Là, ça, exact. Pas, ouais. Non, mais c'est ça. Faut que ça soit stimulant, puis il faut faire de l'argent. Désolé, mais c'est l'argent qui compte. Alors, c'est un musée, puis c'est toutes des stations, genre de jeux, comme de Genesis de Dentiste, là, que tu fais. Non, mais c'est ça. Comme tu as vu, en effet. Mais ça prend de l'excitement. Puis moi j'y crois à 100%. Puis dans mon projet, de la façon que je voyais le musée, c'était totalement une place d'excitement. Quasiment plus une place d'excitement qui, au travers, a des monolithes d'histoire. Tu sais, comme une arcade géante avec des affaires que tu peux pas jouer aussi au travers. Tu joues c'est à tout. C'est pas fou, ça. C'est un party, mais un party où est-ce que tu apprends. Tu sais, puis tu joues. Mais t'apprends, tu sais, puis il peut avoir un autre étage que c'est autre chose, ça. Tu sais, ça, moi, je connais, les humains, c'est fait pour être divertis. Ben oui, t'sais. C'est... Puis, qu'est-ce pas... qu'on fait ici, là, c'est ça, là? Exact. Puis, tu sais, aller au musée, puis lire des choses, j'aime ça. Puis, j'étais allé à l'exposition des sorcières au musée de Pointe-à-Calière, et puis c'était très bon. Puis, ce que je pourrais reprocher à cette exposition-là, c'est que c'était que de la lecture, pas beaucoup de choses à regarder et puis absolument rien d'activité, tu sais. Fait que j'ai lu en masse là, sur les sorcières et tout ça, puis c'était intéressant, mais j'y retournerai pas, tu sais. Fait que c'est pas... Puis mes enfants, jeunes enfants seraient emmerdés complètement, ben oui, là, tu sais. Fait que non, ça prend de l'excitement. Puis bon, ben pour répondre à la question aussi, je n'étais pas au courant, pour être franc, j'ai pris un break. Oui, c'est sur la glace, j'ai pris un break de ça. Quoique dernièrement, un ami à nous m'a mentionné un projet dans le coin de Sherbrooke et puis d'un musée possible. Alors, okay. Je regarde ça un peu de loin, parle un peu, mais on est loin. Mais en tout cas, il y a quelque chose. Alors, raviver une petite affaire. Okay. Mais c'est sur le back burner. Ah, King Wallop dans le chat, c'est Cédric Fischer, right? C'est ça qu'il dit. ZF ici, ben voilà. Bon, ben c'était sa première fois dans le chat, c'est pour ça. Alors, ouais, c'est tout, drôle. Tout s'explique. Tout s'explique. Excellent. Bon, ben bienvenue à bord. Régler des dossiers, régler des beefs, on règle tout. C'est le fun. Moi, je pense que tout le monde qui est contre l'AI. Hein? Oui, hein, t'étais enflammé. Là. C'est parce que genre, je me vide jamais le cœur là-dessus. Je veux en parler de façon intelligente, puis pas juste comme non, ça s'en vient, là, faut en parler, là. Ouais. Ça me fait peur, pour vrai, là. Il y a ben, je vois la puissance de ça, je suis comme, c'est bol. Ouais. Ça va trop vite. Professionnellement, puis... tu baignes là-dedans. Pas tant. Ben, un petit peu, mais tu t'intéresses à ça. Je le fais beaucoup. Je me bâtis genre un instant personnel AI sur le site de genre. Parce que je gosse, j'aime ça regarder qu'est-ce qui s'en vient, puis ça fait partie de ma job, la technologie, fait que je vais être à jour, là. Mais je mettrais pas toutes mes business dans du AI, là. Yes, Non, c'est sûr. Pas rendu là. Mais ça s'en vient. C'est quelque chose qui. C'est de la nouveauté, là. C'est ça. Absolument. Oui, je suis en feu. C'est l'alcool. Ça te monte en fait. Et la fatigue. Ces affaires-là. Alain Laroche Nadeau. Salut, j'ai acheté Contact au. Contrat, il veut dire contrat, auto-correct. J'ai acheté Contrat au NES et Super C au NES également. Ça m'a l'air du même jeu. Est-ce moi? Non. c'est la même série, à tout le moins. Mais c'est pas le même jeu du tout. Là. Surtout parce que Super C a des niveaux très verticaux. Il y a des niveaux top-down. Mm-hmm. Qu'il n'y a pas dans Contrat. Et puis, Contrat, tu as les bases là, qui font un peu différent. Là. Ça change le gameplay. Ouais, ouais. Mais dans Super C, tu as des niveaux en 2D, si je peux dire, mais que tu creuses. Là. Il y a un niveau à la fin. Mais tu as des niveaux top-down aussi. Okay. Puis, sachez que Contrat et Super C sont très inspirés de leur version arcade, mais très différentes mm-hmm. là, quand même. Là, c'est le même jeu, c'est pas le même jeu, tu sais. Je veux dire, c'est les mêmes guns, la musique, le look, tout ça. Mais au NES, c'est poussé énormément plus loin. Puis chez Arcade MTL, on possède Super Contrat. Là, je parle comme si c'était encore à moi. Puis à moi, je l'aimais beaucoup cette machine. Ouais, je l'ai mis sur ma main. Ah oui. Super Contrat est un jeu que j'aime beaucoup, mais il est bien plus court que la version NES. Là, puis complètement, tu sais. Les jeux NES se sont inspirés des jeux arcade, puis ont fait complètement autre chose. Mais c'est tout ça, c'est tout bon. Alors, mais c'est pas anormal que ça ait l'air du même jeu, mon cher Alain. Simon Pellerin. Le gars qui joue à la guerre. Ouais, salut les gars! Aviez-vous une passion étant jeune que vous avez complètement perdue et que vous trouvez sans intérêt maintenant? Félicitations pour votre beau programme, Simon Pellerin, fonctionnaire fédéral. C'est j'adore ça. Ah, oh, moi, la passion, on va te dire. Ben, tu sais, j'ai collectionner les roches. Ouais, hein. J'ai eu des phases, collectionner des teintes, des roches. C'est ça. Les cartes de hockey. Mais les jeux vidéo, ça, j'ai jamais arrêté. Je garde ça depuis ce temps-là. Jouer au hockey, j'ai commencé ça très jeune. Hockey, jeux vidéo pour moi. Puis, tu sais, je suis pas un fou du hockey non plus. Je connais pas le hockey sur le bout de mes doigts ni rien. J'aime jouer au hockey. J'aime quand il y a du hockey à la TV, mais je suis pas un féru, ouais, ouais. C'est le nom. Un fou malade du hockey non plus. Puis, quand j'étais jeune, ça dépend à quel âge jeune, mais mettons jeune secondaire, fin secondaire, je me suis mis à bien aimer les voitures. Ah, les ouais. voitures montées, là, puis les affaires, là. Puis, mais j'ai tout le temps aimé les chars quand même. Je trouve ça beau. Et puis, j'aime ça, une belle voiture. Puis, j'aime encore ça aujourd'hui, mais je peux pas dire que c'est une passion, là, par contre. Quelque chose que j'aime bien. Puis, la bière. Bière, ben, mais ça, là, c'est, j'ai pas commencé c'est ça pour, jeune, c'est par pour contre. Toujours 14 ans. C'est ça. Mais c'est pas une passion que j'ai commencé jeune. Mais, man, la collection de teintes ou de roches, j'ai plus rien de ça. Ouais. Me calisse des roches. Plus, c'est que tu calisses des teintes. Je sais même pas si on ouvre mes livres de teintes. Non, mais mettons, j'aimais jouer avec des bonhommes E-Man. Puis j'avais des Transformers, puis des Legos. J'ai eu des bonhommes de lutte en un bout, tu sais, là, avec un ring en plastique. Là, puis c'était ouais, le fun. C'était là. Le fun. Mais tu sais, on a des amis aujourd'hui qui sont des fous de Transformers, des fous de Lego, des ouais, fous. Ouais, ben, on a des amis qui sont comme puis, des passionnés de Lego, ces là. Affaires-là. Ah, les Lego, j'avoue que je n'ai fait beaucoup quand j'étais jeune. Ah, moi aussi. Je pourrais très facilement embarquer là-dedans. Moi avec. Mais pour collectionner les vintage. Oui. Moi, oui. C'est ça que j'aimerais. Parce que tu sais, genre, je l'achetais mon gars, puis je les faisais avec lui, puis j'ai eu bien du plaisir à les faire. Puis je suis comme, ah, tu sais, je pourrais bien faire ça. Puis j'ai fait pendant un bout, genre, des chars, là, des modèles à coller, avec les peintures de chars, puis ça. Puis c'est très plaisant à faire, mais oui. c'est un investissement de temps et d'argent. Là. Ah, absolument. Fait que, mais bon, on a eu des petites passions. On a eu des enfants sur les rues, quand même. Quand même. Ouais. Guillaume Roy. Notez que j'ai pas dit Guillaume Roy. Roy. Patrick Roy. Stéphane Roy. Exact. Pourquoi tu dis Stéphane Roy? Tu connais ça, Stéphane Roy? C'est l'acteur qui jouait dans Caméra Café. Genre, c'est un acteur. Ah ouais? Ouais. Okay. Il y avait un Stéphane Roy. Il y avait un Stéphane Roy, ouais. Ah ouais, pour vrai? Ah, c'était un hostie. Je pense pas que c'est le même. Ouais. Guillaume Roy, quel est votre jeu préféré thématique horreur Halloween? Ouh. Ah, man. Moi, j'ai joué d'horreur. J'en ai joué aucun. Pas beaucoup, moi non plus. Okay. J'ai jamais joué à Silent Hill, Resident Evil, Obscure. Resident Evil, ça pourrait être ça. Là, je connais rien. J'ai fait ça. Une couple. J'ai fait Silent Hill, le premier, le deuxième. Resident Evil 2. Splatterhouse. J'ai pas assez joué à Splatterhouse pour dire que c'est un jeu préféré. C'est pas le jeu de Genesis qu'il faut que tu hantes du monde là, dans une maison, là? Ah, The Hunting. Ouais. Fred l'avait critiqué. Ça, c'était bon, là. J'avais rejoué sur mon... On dit Outlast dans le chat, vous voyez. Ouais, j'ai jamais joué non plus à ça. Tous ces titres-là, je connais rien. Je suis pas un bon référent. Bruno jouait beaucoup à ces jeux-là, genre d'horreur. Ouais. Là. Mais ouais, le jeu de Fred là, au Genesis. Là, on y va avec ça. Voilà. Serge Saint-Hilaire. Salut les boys. Dans votre jeune temps, où à l'époque, on n'y avait que des derrières de boîtes pour voir ce que les jeux avaient l'air. J'aimerais connaître vos bonnes surprises comme des mauvaises. Merci. Ah, ben, Bayou Billy, ouais. C'est une mauvaise surprise. Belle pochette. En arrière, plein d'écrans, hyper excitant. Du gun, du jeep, du beat'em up, des crocodiles. Ouais. Dans la jungle, dans la ville, comme devant une grille, comme mille affaires. Puis c'est le même qu'ils l'ont vendu. Puis, ah, oh, man, c'était pas jouable. Fait que ça, c'était triste. Sinon, Robot Tank à l'Atari 2600. Robot Tank. J'aimais bien la pochette. Jungle Hunt à l'Atari 2600, en fait, est un meilleur exemple. Où est-ce que la pochette était nice, puis en arrière, il y avait différents screens. Il y avait quatre jeux là-dedans. Tu sais, mais c'est... Tu fais vite le tour, là. Jeu Atari 2600. Je m'en veux pas d'avoir loué avant le Super NES, moi, fait c'est pas nice, pas semble, les images ont commencé à avoir de l'allure. Ah là. Ouais, loué en arrière de la boîte. Là, comme. Que tu t'es fait tromper par la boîte. Ouais, là. Je me rappelle. Ben, le derrière de boîte. Je me rappelle pas de m'être fait tromper par un derrière de boîte, honnêtement. Non, moi non plus. Mais c'est des jeux durs, ben pas mauvais, mais genre le Roi Lion, c'est que c'est dur, genre, c'est des jeux de même. Ben, c'est un bon exemple. Là, ça en est un. Parce là. Qu'en arrière, c'est beau. C'est beau là, le jeu, c'est comme tabarnak. Des comme, beaux graphiques. T'sais. Lion qui saute de main, comme calé, c'est bien dur à contrôler, cette affaire. Ah, c'est ça. Out of this world au Super NES. Ah ouais, ouais, j'avoue. Le cover, c'est weird un peu. Je comprends pas trop. Je regarde en arrière, je comprends encore moins parce que c'est full polygone. C'est pas ça, c'est genre cinématique platformer. Oh shit. Ouais, là, c'est ça. Je suis comme, qu'est-ce que je suis en train de vivre là, man? J'ai jamais vécu une affaire de même. Puis moi, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé ce jeu-là. J'adore ça. J'adore ce jeu-là. Puis d'ailleurs, je veux encore dire aux gens, Lunark, qui est fait ici au Québec. Comme a été un jeu qui est un cinématique platformer de même. Je l'ai pas fini, mais c'était bon. Là, ça. Ah, ça. Moi, man, j'ai dévoré ça. J'ai adoré ça. Puis c'est un hommage. C'est une lettre d'amour. Ouais. Voilà. À Flashback puis Out of This World. T'sais, une autre lettre d'amour pour être d'accord avec tantôt. Mais très bien faite, moins lourde, t'sais, accessible. Ouais, ouais. Comme juste bien. Là. Quel beau jeu. Là. Bravo. Bravo, Johan. Bravo. Le King Wallop dans la place nous dit qu'il a fini le Roi John. Le Roi de John. Un John. En boss, on dit un John. Un John. Dis-moi, nomme-moi trois animaux qui commencent par J. Ah, un John, un Jibou puis une Jev. Wow. Ça, c'est des jokes bons. J'ai fini Le Roi Lion sur SNES étant gamin, mais pas sûr que je serais capable aujourd'hui. J'aurais plus la patience. Ben, ouais. Jurassic Park aussi, rendu là, ces jeux-là sont tellement durs. Là. Quand on est gamin, on a plus de patience. On a juste ça à faire aussi quand on est gamin. Exact. Quand on est gamin. Gamin. Tiens, on est rendu. Je vais ouvrir une autre bière parce que je suis sous à soir. À Sébastien Trottier. Sébastien Trottier. Quel jeu Game Boy vous n'avez jamais joué, mais que vous aimeriez essayer prochainement? Je suis obligé de penser à des jeux que tu as crisqué que j'ai pas joué de bord parce que sinon c'est trop difficile. C'est quoi un jeu de poisson là, que tu manges, les poissons? Là, ah, la bouche va très vite. Fish Dude. Fish Dude. C'est ça. Puis Battle Bowl, je veux jouer à ça. Oui. Moi, c'est bon ce jeu. Je pense qu'on peut jouer à deux avec deux Game Boy. On devrait essayer ça, ouais, gars. D'autres projets qu'on fera pas. Ah ouais, c'est vrai qu'à deux, ça serait insane. Ouais. Ah ben. Fish Dude Battle Bowl, c'est mes choix. Moi, mesdames et messieurs, je vais nous transporter comme par magie parce que j'ai un Google Doc dans mon drive personnel. Que à chaque fois que je vois une affaire, j'écoute beaucoup de GameSack sur YouTube, tout ça, ou quand je vois des affaires, ou Bruno, des critiques. Ouais, ouais. Puis, je note les jeux qu'il faut que je joue. Alors, sur Game Boy ici, j'ai Daffy Duck, le jeu de Daffy Duck, là, Space Machin. Taz, il y a un jeu de Taz aussi qui est un genre de platformer. Puis là, j'ai écrit Hudson. Pourquoi j'ai écrit ça, man? Hudson. Il n'y a pas de jeu qui s'appelle Hudson. Tous les jeux d'Hudson Soft. Mais c'est-tu en lien... je pense que c'est peut-être en lien avec un jeu qui serait peut-être japonais, je sais pas. Pourquoi j'ai écrit ça? Je n'en mets pas clair. Chris, tous mes autres jeux, c'est clair. Sauf Game Hudson. Boy, c'est pas clair. Bon, même au NES, il faut que je joue à Advanced Dungeon & Dragon, Dragon Strike. Ça a l'air intéressant. C'est un genre de shmup, mais avec un peu d'aventure. Werewolf, j'ai jamais donné une go à ce jeu-là. Wrath of the Black Manta, j'ai jamais donné une go à ce jeu-là. Mighty Final Fight, ça me tente de le refaire parce que c'est tellement bon. Renegade, j'aimerais essayer de le finir. Puis Megaman 9 et 10, c'est pas du NES, mais je les ai jamais fait ces jeux-là. Il faut que je joue à ça. Au Famicom, Adventure Island 4, qui vaut une fortune. Jamais joué, ça a l'air cool. Le Super NES Blackthorn, faut que je prenne Blackthorn, le temps de le faire. Un autre cinematic platformer, ça, ouais? Oui, exactement. Earth Defense Force, Schmuff, faudrait que je m'essaie. Ah, c'est dur, ça. Ouais, c'est dur. C'est dur. Il est disponible sur les Nintendo Store. Ouais, il est dur, Earth Defense Force. Puis Marvel War of Gems, c'est un genre de beat'em up aventure, là. J'ai jamais joué à ça. Sur Switch, Lords of Exile et Islet. Et Genesis, Saint Sword, Batman, Rambo 3, El Viento, Beirut. Sur Atari, Dark Chambers et Enduro. Quoique Enduro c'est fait, je te l'ai montré. On l'a joué. Sur TurboGrafx-16, il faudrait que j'essaye Darkwing Duck pour sa médiocrité. Ah, il y en a un sur. Ah, ouais, je savais pas. Ouais, pour sa médiocrité. Alors, on n'avait pas beaucoup au Game Boy, mon cher Sébastien, mais on commençait avec le reste. C'est ça. Pipi Cacapoil qui demande si Bruno a encore une chaîne quelque part où non. Il review des jeux. Non, Bruno est disparu. Il a dit l'autre fois qu'il aimait beaucoup ne pas avoir à être stressé de faire une review de jeu. Mais sinon, je l'ai vu écrire ça quelque part. Là, fait. Ah, ça se peut. Et sinon, il est pris dans l'Orcana et les magiciens. Là, ouais, genre. Bruno, il joue beaucoup aux cartes. Fait que t'as du monde dans l'AI, t'as du monde qui s'en a pris dans les cartes. Fait que c'est ça. Là. Exact. Mais je pense qu'il stressait beaucoup avec ça pour, tu sais, trop. Plus qu'il n'était nécessaire, en fait. puis ouais, mais on voulait avoir, on avait un certain niveau de qualité qu'on voulait tout le temps atteindre, puis on était chacun peut-être plus intense là-dedans, là. Ouais. Bruno voulait finir ses jeux, puis c'est être tassé. Ah oui, oui, j'admire ça, en effet. Là, très admirable, mais à un moment donné, c'est parce que tu te brûles aussi à juste faire ça, là. C'est, tu perds ton plaisir de jouer, là, c'est... Exact, exact. En fait, ça il mettait de la, il se mettait une pression par rapport à ça, puis là, maintenant, il fait juste... S'il n'a pas envie de jouer, il joue pas. Puis tu sais ce que ça Retro Nouveau aussi, un coup que tu as critiqué le jeu, si tu l'as pas fini, ben là, t'es comme... Tu reviens pas parce qu'il faut que tu ailles en faire un autre pour la semaine. Souvent aussi, si quelqu'un a critiqué un jeu que tu veux jouer, tu le joues pas parce qu'il a déjà été critiqué. Mais exact, c'était exact. Pour ça, là. Exactement. C'est parce que sinon, t'as rien pour la semaine d'après. C'est ça, il y a eu beaucoup de ça pendant des années. Là, c'est... Exact. C'est fou, pareil. Comment est-ce que... Elle m'a fait jouer bien des jeux quand même. Là. Ah, absolument. Mathieu Royer, où as-tu pris tes racks meubles de rangement pour tes cassettes de Super NES? Parce que la question des publics, je mets tout le temps une photo niaiseuse et puis je montrais une photo de mes jeux Super NES. C'est fait sur mesure dans mon sous-sol là, par un ébéniste qui a fait ça. Alors, j'ai pas pris ça nulle part. J'ai fait faire du sur-mesure. Très satisfait. Patrick, le collectionneur. Il collectionne. C'est... OK. C'est Patrick. C'est Patrick? Puis il collectionne. Oh, pas Pat! C'est Pat le Collector. Depuis plusieurs années, nous avons pu constater l'intérêt pour refaire des mini-consoles HD. Avez-vous une console en tête? Une console rétro qui mériterait une nouvelle version? Dans mon cas, j'adorerais avoir une mini-console ColecoVision pour les nombreuses pépites. Bravo pour votre divertissant podcast. Merci beaucoup, mon cher Pat. Tout ce qui est genre micro-PC de l'époque, là, genre les Commodore, des affaires, là, j'ai jamais joué à ça, là. J'aimerais ça pouvoir gosser avec ça. Là. Mais une formule tout en un. Ouais. T'sais, les Amstrad, ces affaires-là. Des affaires, les ZX Spectrum. Tout ça, j'ai jamais vu ça de ma vie, là, un ZX Spectrum. Je sais pas de quoi ça a l'air. Là. Mais ça te prend un kit, t'sais, parce que ça vient avec un keyboard, ça vient avec plein de guenilles. Pouvez-vous mettre tout ça propre t'sais, dans un... Ouais, un petit ordinateur, un petit écran, que c'est un ordi dedans que tu peux jouer à tout. Là, c'est ça. Je suis d'accord. J'aimerais... On en parlait avec des employés aujourd'hui, tu sais, qui n'ont jamais joué au Commodore 64. Moi non plus, d'ailleurs. Mais tu sais, ils savent ce que c'est. On en a des components. Ils voient des affaires passer. Ils savent que ça existe, mais ils n'ont jamais joué. Comme, ils sont intéressés, tu sais. Ça vous prend des formations du staff à l'interne de « Bon, aujourd'hui, on vous montre, c'est quoi, le Commodore 64. Voici, genre, là, une journée de formation de staff. » Totalement. Là, les Vectrex savent ce que c'est. On a une site. On a failli en racheter une deuxième cette semaine. Là. Ah, les Vectrex. Mais ouais. Je pense qu'on. Mais celle-là qu'on a, man, on l'a depuis un bout. Puis, c'est ça qui n'est pas vendu que je suis tout le temps en train de regarder sur le bord. Puis, Ah, ben, c'est pas la même, là, mais c'est tout pareil. Là. King Wallop qui dit 20 minutes de chargement qui pouvait planter pour les. pour les. C'est bien. Tu sais, les jeux qui jouaient sur les tapes audio, là. Oui, oui, oui. Ben, on en a eu. Ben, là, ça traîne dans des boîtes ici, là, mais oui, sur des cassettes c'est audio, c'est malade. Tout ça, j'aimerais ça toucher à ça, là, jouer avec ça. Absolument. La ColecoVision, d'ailleurs, oui, c'est très intéressant. Il y a eu la Phoenix faite par la compagnie Collector Vision, qui est une compagnie québécoise, dont je me suis procuré, et puis qui joue des cartouches physiques. C'est comme une console analogue de ColecoVision au niveau de la qualité, si je peux dire, du signal et de tout ça. Ouais, ouais. Mais sinon, pour la boîtier, c'est comme un petit Coleco, là. Mais ils ont arrêté la production de ça. Mais ça, c'est très intéressant. Moi, ça serait ça. Moi, mon rêve ultime, ça serait une 3-en-1 pour Atari. Ben, tout, everything Atari en cartouche, là. Je parle de la 2006, la 5002 puis la 7008. Mm-hmm. À Intellivision Coleco. Tout ensemble dans une belle machine magique là, de licorne, là. Puis que tout marche, tu sais, puis que tout soit simple. J'aimerais qu'on fasse cette machine-là ici chez Retro MTL. Comment en faire, je sais pas. C'est un projet. Oui. On pourrait demander à nos amis AI de nous aider. Ouais, un peu, mais c'est un gros projet, pour vrai. C'est un très gros projet pour tout ça. En faire une, ça se fait. Après ça, faire de la manufacture, c'est un autre gros problème. Là. Ouais. Mais moi, je voudrais avoir toutes ces affaires-là dans un bloc. Puis je veux que ça lise mes cartouches. Fait que la Intellivision Sprint, comme on en parlait en intro, n'ont pas fait ça. Et puis la 2600 plus et la 7800 plus lisent des cartouches, mais c'est pas des FPGA. T'sais. C'est pas super tight. T'sais. Faudrait que ça soit des consoles à tout le moins FPGA. que ça soit level analogue. Ouais, ouais, mais analogue ne feront pas ça. Non, parce que c'est trop vieux, pis c'est pas payant c'est pour pas eux payant. Autres. Ils sont capables de faire des 64, est-ce qu'ils vont en vendre en tabarnak? Chris, mais s'ils font des collectos, ils en vendront pas. Le jeu où est-ce qu'ils vont sortir, genre une affaire qui va aller les jeux de PS1, PS2 en disque, là. Ils vont faire de l'argent avec ça aussi. Là. Alors, je te garantis qu'ils travaillent là-dessus c'est à l'heure. C'est sûr, puis tout puis ça mad 64 cette semaine, le pire, j'étais comme... Me semble qu'au WEG, on joue jamais à du PS2, PS1, on touche jamais à ça. Ah, Kev y en amène, oui, Carl mais en amenait aussi. Des, oui, mais les gens très niche. On y là, touche mais, pas, jamais. Mais on joue jamais avec du PS1, PS2, genre même PS3 à la limite, on très rare qu'on va là-dessus. Là. Ah, il y a un WEG il y a pas longtemps, même le dernier, je pense... Il y avait du Shaolin Monks au PS2 qui se donnait. Des fois, ça. Un peu, mais c'est vrai que. C'est les consoles qu'on va moins explorer, là, qui sont entre. On y va plus deux. Dans le rétro, vraiment, puis on essaye de battre des vieilles. Ou on enfants. Va dans le très rétro, on va dans le très next-gen récent. Tu exact. Il y a un entre-deux qu'on visite moins, là. C'est vrai, hein. N64, GameCube, PS1, PS2, PS3 même. PS3 Xbox même. Original. J'ai jamais vu une PS3 dans la place, sauf quand elle venait de sortir. Moi non plus. Là. Xbox 360, ça arrive. Des fois, Eric, il sort des jeux de basket, mettons, ouais. Mais c'est le bout qu'on explore moins. Mais si il y a des BIOS licenciés par Sony, ça risque d'être plus difficile à reproduire. Ah, ben, possiblement, effectivement. Là. Bon, ben, coudonc. Mais tout se hack. Fait que, tu sais, Francis Lorrain, il dit bonjour, ici SSSS Frank. Ah, ben, il y a le chat. Il est là. Ma question est, de vos expériences passées de RPG au tour par tour, quel genre de mécanique avez-vous particulièrement apprécié ou vous a le plus marqué? J'aimerais m'inspirer de vos réponses pour la prochaine mise à jour de mon jeu Tactical Battles. Parce qu'on rappelle que Francis Lorrain développe des jeux sur Steam. Des jeux sur Steam, oui, en effet. C'est pas un site des mécaniques que beaucoup j'ai aimé. De temps, c'est... Pour vrai, c'est pas un de mes sites préférés, le tour par tour. Je trouve que c'est trop ouais. Mal. J'ai pas beaucoup d'expérience non plus. Tu sais, je peux te dire, ben, à Chrono Trigger, puis tout comme à Sea of Stars, combiner des attaques combinées entre deux personnages, tu sais, c'était joli. Mais dans les vieux jeux NES rétro de ce style-là, j'haïs les random encounters que tu marches en forêt. Oh, un combat qui part! Comme, ah, sti, là. Je pense que c'est totalement ça qu'il va faire. C'est ça. Mais moi, ça me dérange pas. Là. Ça dépend du jeu. Fait que toi, t'aimes voir les bébites. Ouais, puis je vais aller dessus. Puis sinon, je vais aller à côté. Si j'explore, je suis pas envie de me battre, mettons. Là. Ouais. Fait que, mais genre, c'est vrai que c'est un autre Dragon style. Warrior, là, que je pense au NES, que j'ai joué, puis je comprenais rien. Là, je suis comme, ah, fuck. Ouais. Sans lieu, il faudrait que je fasse à un moment donné, celle-là. Dragon Warrior, là. Mais j'ai tellement un peu d'expérience pour dire des affaires là-dessus. Mais quelque chose que je me rappelle de Final Fantasy 2 au Super NES et même le 3, je pense. C'est, mettons... Mais beaucoup plus le 2, parce que j'ai tellement joué, là. Le reste, c'est flou. Mais, mettons, t'as une Lightning Sword. Tu peux frapper avec. Ouais, ouais. Mais tu peux aussi faire la magie Lightning. Ben, Lit 2. Puis quand je comprenais pas l'anglais vraiment, ouais. Des fois que t'es lit, c'est comme lit, je sais pas, c'est lightning. Je savais pas que lightning c'était lit, tu sais. Ouais. Mais bref, d'utiliser tes items, les pouvoirs magiques de tes items en combat, je me rappelle pas d'avoir vécu ça si souvent. Ça, j'avais bien aimé ça. Mais désolé, c'est une affaire qu'on aime, une affaire qu'on aime pas. Ouais. On peut pas te fider beaucoup. Philippe Gauvin, Mike Gauvin. Ouais, Tactical Battle disponible sur Steam. Voilà. Bon, ben voilà, la pub est faite. C'est disponible sur Steam, mesdames et messieurs. Il fera peut-être un update avec ce live. Philippe Gauvin nous dit quel jeu moderne aimerais-tu voir un D-Make sur NES ou Super NES? Ah, c'est intéressant ça. Ah. Moi, j'ai beaucoup aimé Vanquish. Si on peut dire que c'est un jeu récent, un jeu moderne au PlayStation 3. Ouais. Fait que ça, j'ai beaucoup aimé ça. Donc, un D-Make de ça serait hot. C'est les Uncharted D-Make. Qui, dans le fond, deviendrait un Bayou Billy qui fait du sens. Là. Bayou Billy Uncharted, ça serait malade. Mais attends, God of War D-Make, ça serait... Il fouetterait, tu sais, ça pourrait être un genre de Castlevania, mais dans les vibes de... Ça serait hot. Un jeu VR récent sur le Virtual Boy? Je sais pas, ouais, c'est... Mais les jeux récents, j'y joue pas, tu sais, les gros jeux récents, les grosses sorties... Mettons un Ghost of Yotei, là, ça vient de sortir, ça. Ouais, là. Ouais. Un genre de Ninja Gaiden 2D. Quoi. Le jeu d'Harry Potter, le Hogwarts Legacy. Ça, ouais, là, ça, c'est un GTA. Mais ça devient un genre de RPG là, en D-Make. Là. Peut-être, en effet. C'est quoi un D-Make, guys? C'est de prendre un jeu récent et de le descendre en qualité. Bon, pas en qualité, en graphisme. T'avais genre un jeu next-gen vers du 8-bit, 16-bit, 32, 64-bit, mettons là. Il y avait un jeu, il y a un jeu qui est Mummy sorti. Demastered, c'en était un remake ça, de Mummy Demastered, je pense. C'était ça un remake? Je sais pas si c'était un... Non, c'était pas un remake parce que ça partait pas d'un jeu next-gen là. Ouais. Mais ça parlait d'un film, par contre. Ouais, ça, c'est un excellent Metroidvania que j'ai beaucoup aimé. Le film de marde. Je ne savais même pas que c'était un film. Il y a tellement, j'ai jamais tellement pas entendu parler de ce film-là. Mais j'ai adoré le jeu. Bruno l'a critiqué. Je l'ai fait. Ouais. J'ai adoré ça. Faudrait que je regarde la valeur de ce jeu-là. Ça doit valoir quelque chose. Je pense qu'il va prendre la valeur. C'est un limited run. Puis ça fait un bout. Mais c'est Dark Void, le jeu que j'avais en tête, qui est un jeu d'Xbox 360 et de PS3, de Capcom. Ils ont inventé quelque chose, ils ont inventé Dark Void. Puis c'était pas bon, à ce qui paraît, le vrai jeu. Mais ils ont fait un remake de ça, un jeu genre 8 bits. Puis moi, je l'avais acheté, c'était juste disponible en numérique sur la 3DS. Et puis j'avais acheté ça. Je l'ai encore dans ma 3DS présentement. C'était super bon, là, tu sais. C'était vraiment hot. On a un first time chat, Hardy Climb, qui dit qu'il est venu ici pour selon une recommandation. Il dit à quel jeu tu joues. On joue pas au podcast en ce moment. On est en train de discuter de jeux vidéo. Ah ouais, là, présentement, monsieur. Ben, bienvenue tout d'abord, monsieur Hardy Climb. Mais à quoi je joue on est en train de faire les questions du public, là. Fait qu'il faut que tu embarques avec nous autres là-dedans, là, tu sais. On a critiqué des jeux tantôt. Tu as parlé de Nine Years of Shadows, en effet, que j'ai critiqué un bon Metroidvania. Mais si tu veux savoir à quoi je joue présentement, je l'ai dit précédemment, je joue à Silksong présentement et ça m'occupe complètement. Donc, mais c'est un nouveau. Projet. On est aux deux semaines, on fait un podcast de deux heures et demie à chaque deux semaines sur les jeux vidéo. On parle exact. Critique et tout ça, là. Et tout ça est disponible sur YouTube, Spotify, audio vidéo. Absolument partout. Donc, toujours en rediffusion partout. Et on a parlé de collection de jeux vidéo tantôt. Alors voici des jeux dont j'ai présenté. Shockman, Gradius Origins. Tout ça. Double Dragon Revive, Ender Magnolia et Shockman Collection. Alors des beaux jeux Switch ici. Fait que voilà où est-ce qu'on est rendu. Tu es maintenant à jour. Prochaine question. Simon Fréchette Daou. Bon. Dom. Un autre Fréchette? C'est un Fréchette Daou. C'est un cousin. Dom Jeff, savez-vous environ combien valent vos collections de jeux rétro? Est-ce que vous envisagez un jour de tout vendre? Merci pour votre beau travail, lâchez pas. Oh, pas grand-chose, moi. J'ai pas, la j'ai, tienne. J'ai pas grand-chose, moi, chez nous. J'ai une couple de jeux de la titre, là. C'est pas. Ouais, c'est ça. C'est pas tant une collection que, genre, des jeux que j'aime depuis que je suis jeune, que j'ai gardé ou que je me suis racheté, là. C'est plus. Ouais, ça, c'est là. Ça. C'était pour jouer plus que collectionner, là, en fait, là. Exact. Ben, moi la mienne, je l'évalue à 200, au-dessus de 200 000, là, quand à même. Peu près. Mais, tu sais, c'est relatif, là, tout ça. Tu sais, oui, c'est sur papier. C'est la spéculation. Mais si je veux vendre ça demain matin, tu sais, d'un, il faut que je break down ça. Ça va me prendre super. Il n'y a pas personne qui va arriver. V'là 200 000. 200 000. Je veux posséder la même chose que tu possèdes présentement. Cela ne se peut pas. Puis on le voit ici tous les jours, je rétro une TL. Ouais, je n'ai aucun jeu. J'aimerais avoir toutes tes trois collections de NES, Super NES et Game Boy, s'il te plaît. Ouais. V'là un chèque. Non. Ça... non, c'est ça. Non, mais dans le rachat ici, tu sais, le monde disait « Hey, j'ai une collection, elle vaut 40 000. » Bon, ben parfait. Fait qu'on va t'offrir, tu sais, une fraction de... Ben, pas 10 000, ça dépend de quoi est conçue la collection aussi. Ouais, c'est ça, il y a les jeux. Mettons, moi, j'ai des collections de cassettes, j'ai des collections d'affaires désirables, tu sais. Mais une collection de PS3, tu sais, j'ai aucune idée, là. Mettons un full set PS3, mettons que ça vaut 20 000. Je garoche des chiffres, tu sais. Ça vaut 20 000 sur papier. Personne ne payera 20 000 pour ça. Mais personne ne va payer la totalité de 10$ pour ton Madden machin qui est à 10$ sur Madden 2003. Comme, ça ne veut pas dire rien. Fait que c'est ça. Donc, mais bref, l'évaluation est à peu près la suivante. Mais j'ai... est-ce qu'on envisage de vendre? Envisages-tu de vendre tes affaires, Jeff? Non. Vends pas. T'en as pas assez. Pourquoi je ferais ça? Ben oui. Qu'est-ce que tu ferais avec ça? Hey, il veut 400$, OK. C'est les machines à sous. Les machines à sous. Les machines à sous. Moi, je vendrais pas. J'ai pas envie de vendre. Là. Par contre, ce que je fais, c'est que je réduis. Là, je vends beaucoup de jeux Switch. Ben, je mets beaucoup de jeux Switch de côté pour vendre éventuellement. Je fais du ménage, tu sais. Bon, ouais, ben comme oui. Ça, j'ai pas tant aimé ça. Non. Ça, puis tu sais, j'en sors parce que étant propriétaire d'une boutique de jeux vidéo ici et ayant accès à toutes les nouveautés, t'en vois beaucoup, comme vous le voyez dans la section collection des podcasts, faillant qu'acquérir des jeux Switch continuellement. Fait que là, j'essaye de, tu sais, faire un break là-dessus. Là, moi, j'en repars bientôt, venez me racheter du Atari, là, je suis dû. Ouais, ben tu me diras d'avance, là. Ben, on va te faire un prix d'amis. La prochaine fois qu'on est travaillé, on va descendre en bas, puis on ira voir direct, on va être là, c'est ça. Là. Exact. Faire un ménage là-dedans. Eh oui. Fait que non, j'ai pas envie de vendre. J'étais encore très heureux de collectionner mes jeux. Puis même si je vendais tout ça, puis que j'avais beaucoup de sous avec ça, tu sais, j'ai pas un projet. T'sais, j'ai mes affaires là. Moi, je viens de la j'ai pas besoin d'argent. Ouais, puis moi, on a tout le temps besoin d'argent. Oui, mais j'ai pas besoin de me séparer de ces choses-là que j'aime pour de l'argent. Un sentiment présentement. De plaisir de la regarder aussi puis de l'avoir. Là, ouais, c'est... non, c'est ça. T'sais, moi, j'ai ressorti ma collection qui était dans le backstore chez nous, puis elle est dans une belle armoire, là, genre, puis je la regarde, puis je suis comme ben oui, c'est le fun de voir ça là, quand je suis en bas là. En effet. Je regarde mon Atari, puis je suis comme ouais, bel achat. Une belle achat. Une belle achat. Mais le jour où est-ce que je vais être tanné de tout ça, tu sais, je vais laisser ça aller, mais c'est pas le cas encore. Puis au con. Ça va arriver quand, ça, tu sais? Genre, ah bon! Ben, on a beaucoup d'amis qui ont tout laissé aller. Ouais, mais t'es tellement dedans, même dans ta job, c'est comme, ah, oh, j'aime. Oh, le NES, moi, tout devant. Je vois pas quand ça va arriver pour toi. Pour non, vrai. Le NES, comme je vais en la vie va probablement. Peut-être né là maintenant, on sait pas. Mais ça se pourrait que l'année prochaine, je vende tout mon DS. Ah oh, ouais, tu sais, des affaires de même, ça se peut. Ça se peut. Mais NES, Super NES, Game Boy, ça se peut moins. Et puis, mais aussi, ce que je suis en train de vivre présentement, c'est que dans mon sous-sol, qui est quand même grand, je m'étais installé, pas pire, tu sais, puis ma collection était mise en valeur, puis tout. Mais moi, j'ai deux ados, là. Ben, j'ai un ado pis, qui va avoir 18 ans l'été prochain, puis j'en ai un autre qui va avoir 13 ans dans pas long. Ouais, ouais. Puis il occupe le sous-sol. Fait que t'as un nouvel ado et un ancien ado qui devient adulte, là. C'est... Exact, puis ils vivent là, dans le sous-sol. Puis là, on a rentré une table de ping-pong, puis on a rentré un but de hockey que mon plus vieux, finalement... Comme en enfance, on y a remis un but de hockey dans la cave parce qu'il aime ça gosser là-dessus le temps, ça le rend super heureux. Fait que, tu sais, tous mes jeux sont compressés, tout est empilé dans un coin. Ah, ouais, c'est pas plate, display, c'est tout croche, c'est lettre. C'est plate pour toi, et ça. Moi, ouais, c'est ça. Je vais devoir endurer ça encore jusqu'à ce que, tu sais, au moins le plus vieux parte. Puis, ouais, je suis pas pressé qu'il parte, là. Mais ce que je veux dire, c'est que présentement, je vis dans une attente. Elle est là, mais tu ne l'apprécies pas à sa je ne l'apprécie valeur, pas, mais je le sais que quand je vais regagner tout ça, man, je vais comme jouir. Là. Je vais comme... Tu vas te coucher à terre des cassettes partout sur oui. Toi. Oui, puis là, je vais avoir des plans. Là. Je vais dire, OK, là, je vais bâtir une armoire ici pour ça. Mon Switch va être là. Ouais. Tout ça va faire du sens. Mais là, je ne peux rien. J'ai envie de ça, mais je peux rien faire parce que je n'ai pas la place dans le sous-sol. Je comprends ça. Mais ça va venir. Alors, je ne vais certainement pas vendre mes affaires avant de vivre ça. Si un coup que j'ai vécu ça, puis là... Ben c'était ça. C'était ça, puis j'étais insatisfait, là, je vais tout débarrasser. Hein. La personne qui dit qu'il y a un Burger Time Atari qui a acheté en double à me donner. Crime, va le prendre, merci beaucoup. Ah, c'est Burger Time, oui, c'est... Oui. Ben, mais que tu passes... Aucune presse, puis si tu passes au magasin puis tu le laisses, Dom me le donnera. Ben oui, absolument. Je suis là aux deux semaines. King Wallop dans le chat qui dit aussi « C'est un truc que beaucoup de collectionneurs ne comprennent pas, ils n'auront jamais le plein prix de leur collection. » Ah, ça... Parce qu'on parle du CCJVQ, puis c'est tellement ça. Hey, tout le monde, je passe à... Il y en a tellement des pauses demain. Je passe à autre chose. J'ai besoin d'argent pour un projet. Voici ma collection pleine d'affaires. Voici 40 000 $ de jeux. J'en ai... Non, mais ben, c'est jamais tant 40 000. Mais mettons, price charting dit 10 000. Je laisse aller à 8 500. À qui la chance? C'est le monde. Moi, je te donne 800 $. Qui c'est qui va te donner 8 500 pour ta collection qui contient? Puis toi, ta voix, là, tu dis sur price charting, c'est 10 000. Ouais, ouais. Fait que moi, j'irai jamais en bas de 80% pour ma collection. Ça m'a pris du temps à ramasser ça, puis je l'aime. C'est comme non, buddy, là, ça marche pas de même. On se fout complètement du temps que tu as mis là-dedans, puis de ton émotion. C'est de l'argent. Ben oui, ouais, c'est ça. Là. T'es en train de te l'acheter. Là, je vais pas payer pour tes émotions. Fait que pis ces affaires-là, ben ils se vont pas racheter. C'est toujours dans la Blasphème dit qu'il l'a pogné au CCJVQ et qu'il savait pas qu'il l'avait déjà. Fait qu'il veut pas que je me le rachète. C'est très gentil. Bon, ben écoute, on va... Sauver une couple de piastres là-dessus. Merci beaucoup. T'en feras une critique? Ben oui. Hey, GF, faut que tu critiques déjà Atari. Critique de Burger Time, moi, ça va se faire. Ça va se faire. Non, je sais pas, moi. Critique n'importe quoi, là. Hein. Bon, là, le temps file. Oui. Il reste pas beaucoup de questions. Mais sont 10h13. Tout... Déjà, c'est trop long. On... À toutes les fois. On n'a rien aujourd'hui. On va finir ça à 9h30. Nicolas Desrosiers. Salut les gars. Je sais que vous niaisez avec le projet Arcade Soleil. Je sais pas pour les autres auditeurs, mais depuis que vous avez parlé de ça, j'y rêve. Pensez-vous que c'est un projet réaliste? Oui. Je suis prêt à fournir ma collection de jeux de société et organiser des tournois tous les jours. On niaise avec ça, mais en dedans de nous, on niaise pas. Moi, puis deux affaires. Kev, il m'en parle souvent. Il dit, moi, je veux ça. Là. J'en parle à ma blonde, puis je veux qu'on fasse ça. Puis Chris... Pour vrai, il y a deux affaires qui se commercialisent. Les résidences Arcade Soleil et le WEG. Deux affaires qu'on pourrait faire puis vendre en package ou whatever. Je suis sûr qu'il y a de quoi faire avec ça. Là. Ah, le WEG, man, on pourrait le vendre. Là. On pourrait vendre des passes, des accès, genre, des passes d'accès. Une affaire, nous autres, notre gang du WEG, le monde genre dans le chat, tout le monde genre, à la retraite dans un gros building de jeu. Chris, on va exploser. C'est ça. Tout le monde veut ça. Pour la petite histoire, pour ceux qui ne savent pas, qui nous écoutent, les Arcades Soleil, c'est comme une maison de retraite qu'on va fonder nous-mêmes puis qu'on va mettre des jeux vidéo là-dedans infinis. C'est comme les Résidences Soleil, mais Arcades Soleil. Fait que c'est genre Résidences Soleil pour gamer, vieux gamer. Exactement. C'est quoi donc la CAQ a fait? La maison des aînés. Genre, comme des maisons des aînés de luxe, là, super chill, là, avec du beau service puis tout, mais pleine d'arcades puis pleine de jeux vidéo. Puis on avait dit qu'il y avait des salles quand t'es sur le bord, genre de la mort, là, tu s'en vas genre la salle à Magon puis tu ne seras jamais de là. Toute thématique jusqu'à temps que tu crèves. Là. Oh, c'est malade. Ça s'en vient. Fait que c'est ça que c'est. Mais pour vrai, ça parle à beaucoup de monde. Puis en dedans de tout le monde, on y pense, man. Ça, puis notre projet de boulangerie de place de bacon. Ben, Chris, la boulangerie va être annexée à ça, là, tu sais. Anyway, on dort plus. Les vieux, qu'est-ce que ça fait, man? Ça se lève à 5h du matin, 4h30. Ben oui, pour t'sais. Faire leur pain. Ouais. Non, mais mes parents qui ont 75, ils se lèvent à astille, tellement tôt. Ah, ouais, c'est ça. Puis, tu sais, ils font des sommes d'après-midi. Puis, c'est mes parents. Fait que je sais que c'est ça que je vais vivre. Je vais être de même aussi. C'est clair que je vais faire ça. Je vais être de même. Là. Ben, moi avec. Fait que, non, c'est. Écoute, Nick, certainement. Check tes REER. Mets de l'argent dans tes REER. Ouais, préparez-vous parce qu'on n'est pas rendu là encore. Peut-être que ça va y venir un jour. Exact. Ça se pourrait très bien. Serais-tu malade d'arriver à ça maintenant, là, pour vrai? Là? Qui sait? SSS Frank dans le chat qui est prêt à résider là aussi, man. Blastman qui dit qu'il joue à Burger Time au Game Boy dans le chat. Il est excellent, ah, oui. Cool. Il y a une petite coche de plus. C'est comme Lock and Chase au Game Boy aussi, je veux le mentionner. Ce sont des jeux de type arcade qui ont, sur Game Boy, une grosse coche de plus que le simple jeu de base. Attends, alors, c'est très intéressant. Lock and Chase, c'est un genre de Pac-Man. Mm-hmm. Mais non, c'est très cool. Kevin Doré, Poudrier. Checkez-vous encore les produits 8BitDo? Ils en sortent souvent, point d'interrogation? Si oui, vendez-vous chez RetroMTL et qu'est-ce qui vous intéresse le plus dans les produits anciens qui ne vendent plus ou récents? Pour ma part, j'adore ma souris couleur style NES et non leur clavier couleur NES ne m'intéresse pas. Ah ouais, on fait des claviers et tout. Ouais, moi, j'ai une manette 8BitDo de type Super NES là, sans fil que je prends ma pocket chez nous. Là. Ouais. C'est la seule affaire que j'ai, mais ils font tant des bons produits, je trouve. Ben, tous les produits Edbindo sont très, très bons et on essaye d'en tenir ici une belle variété chez RetroMTL. Mais là, avec la marde avec les États-Unis présentement, ça nous bloque l'accès. Alors, on a des quantités limitées et des sortes limitées aussi. Mais on essaye vraiment d'avoir des beaux produits, là, Edbindo, là, vraiment. Ah, vraiment, ouais. Fait que, that's it, man. Félix Baudouin Duval. Baudouin. C'est donc bien beau le mur de cassette, en référence à la photo pour le pouce. Est-ce que tu as pensé envoyer ton setup de collection à la revue Retro Gamer? Ils font souvent des topos de collectionneurs vraiment nice et ta collection est magnifique. Ah ouais. En plus, t'as l'incroyable Stadium Event. Je connais pas la revue Retro Gamer. C'est en pas. France? Je connais pas. Pourtant, Félix Baudouin Duval me semble avoir un nom plus québécois que français. Alors, je connais pas la revue Retro Gamer. On va s'informer. Alors, on s'informera, en effet. Pourquoi pas? Mais comme je dis, par contre, s'il faut prendre des photos, de ma game room est un fouillis. Plus d'hockey, ping-pong, traînerie, tapis dans le coin. Puis mon plus vieux joue au hockey, fait que sa poche de hockey est tout le temps étalée. Poche de hockey, pile de linge pas plié. Ah ouais, non, c'est ça. C'est ça ma game room présentement. Fait que ça fait dur. Mais oui, oui, je suis tout le temps willing de participer à ce genre de choses. Simon Simard, les double S. Ben oui. Comment a été ta visite du plus gros EB Games? Bon, ben on a fait, j'en ai énormément parlé en intro, alors voilà. Rewind. Alex Morancy, j'ai bien aimé tes vidéos où tu nettoies un jeu chez Retro MTL. J'aime bien nettoyer des jeux crottés que je ramasse moi aussi, mettre ça propre. J'aime ça, mettre ça propre. Ouais, c'est un beau terme. Oui, ma question, est-ce que tu pourrais faire une vidéo sur la méthode que tu utilises pour remettre les boîtes de carton de jeux vidéo droite, avec un fer à repasser, je pense. Bon show. C'est drôle, ben drôle ça. C'est drôle parce que... C'est-tu prévu que tu fasses aujourd'hui ou c'est... Ben, c'est je l'avais vu ce commentaire-là, okay. Mais c'est un hasard. C'est ben, un hasard. Parce que GF, il vient travailler en personne chez Retro MTL aux deux semaines. Je suis physiquement dans la place. Exact. Le jeudi avant le show. Là. Le jeudi avant le show, donc aujourd'hui. Et puis moi, quand je vois des jeux vraiment maganés ou des affaires qui méritent beaucoup d'amour, je les mets de côté dans mon bureau et puis à un moment donné, je fais une vidéo avec. Puis là, je n'ai pas fait beaucoup dernièrement, mais là, vu que GF est ici aux deux semaines, ben ça m'aide énormément d'avoir un helper pour filmer, puis quelqu'un qui connaît le cinéma et les plans et les séquences. Je sais qu'est-ce que tu veux, là, fait que c'est ça, là. Exact. Puis, tu sais, t'as des idées aussi de des plans pour des affaires. Ouais, là, je zoome un peu plus, puis ouais, c'est ça. Fait que là, GF va m'aider en étant caméraman pour que ça soit vraiment clean. Puis aujourd'hui, on a fait une vidéo sur où est-ce que j'ai repassé une boîte, là, justement, d'un jeu Super NES. Fait que je vais monter ça. Demain, je pense pas avoir le temps, mais la semaine prochaine, là, je vais publier ça. Mais sinon, vous pouvez aller sur TikTok. puis faire. J'ai épinglé sur TikTok la vidéo qui a le plus de vues, 62 000, pour où est-ce que je passe le traitement royal d'un GoldenEye au 64. Okay. Puis si vous faites un search là, sur Meta, vous allez sûrement tomber dessus aussi. Je fais tout leur passage, le ci, le ça. Mais pour répondre à la question, le fer à repasser direct sa boîte, bang, à plat, merci, bonjour, tu repasses, et puis ça remet ça drette. Alors, tu parles de TikTok, là. Moi j'ai trouvé une façon de passer tes éléments de collection en TikTok. Là. On devrait pouvoir vous envoyer des vidéos de ça aussi bientôt. Là. La section collection. Là. Ouais, les petits bouts de collection. Je vais faire les 30 secondes et moins pour vous faire des petits clips très courts de collection sur chaque jeu que tu présentes. Fait que ça, exact. Suivez tout ça. Excellent. Ça s'en vient. Ça s'en vient. Dernière question. Avant King Wallop dans le chat qui dit une game room, c'est juste le temps des photos. Le reste du temps, c'est des piles de jeux et de cartons. Le TikTok. Ben, moi, pour vrai, moi, c'est, j'aime quand c'est en tout temps propre. C'est comme, c'est pas. Puis quand j'ai une nouvelle affaire, je le mets tout de suite en ordre alphabétique dans sa place. Ouais. Puis je l'oublie pour toujours. Puis là, je me trouve complètement ridicule d'avoir payé genre 400$ pour une affaire que je calisse là. Et voilà. Mais, voilà. Donc, dernière question de Daniel Deschaines. J'ai commencé à jouer avec un ColecoVision. C'est drôle, on parle beaucoup ben de Coleco oui. ce soir. Et j'avais un cousin qui avait une télévision. Je n'ai jamais touché un Atari, faute de connaître quelqu'un qui en avait une. J'ai aucune idée quelle console était la plus chère ou la plus abordable. Avez-vous cette information par hasard? C'est juste par curiosité de savoir si le Coleco était une console budget, un peu comme la TurboGrafx-16 dans la génération 16 bits. La Atari VCS, qui était l'Atari 2600, a été une console qui a eu un lifespan très long, qui est arrivée avant Coleco et Intellivision. Okay. Mais Coleco et Intellivision étaient des machines supérieures au niveau de la performance. T'sais. Et puis, mais malgré ça, comme le marketing autour de Atari était supérieur, ouais. Beaucoup de jeux, beaucoup de choses qui sortent et tout. Fait que Coleco et Intellivision, ils ont eu des belles runs, mais ils ont jamais su... c'est Atari le grand leader là-dedans. Okay. C'est vraiment ça. Fait que la Coleco était pas une console budget du tout. Au contraire, la Atari 2600 était la moins chère de la gang. Ce qui la rendait la plus populaire aussi, si je peux dire. Là, t'sais. Vois ça comme un peu la Game Boy. La Game Boy OG, là, la première Game Boy, était une console sous-performante. Comparé, mettons, à la Game Gear, moins cher, mais en même temps, grand public. Oui, t'sais. Oui. Puis les autres coûtaient plus cher. Prenaient beaucoup plus de batterie. Plus de batterie, puis tout ça. Alors, tu sais, c'est comme un petit peu ça. À un moment donné, tu sacrifies, tu t'organises pour que ça soit moins cher, que ça soit bien pricé. Puis c'est un petit peu plus primitif, Mais quand les jeux sont bons, même si au Coleco ou à l'Intellivision, t'as plus de carré à l'écran, que tu reconnais plus un paysage de forêt au lieu d'un fond noir avec quatre carrés. Mais le gameplay, c'est le gameplay. Là, c'est ça. Fait que c'est ça. Mais non, incroyable à soir les Coleco. On est dans le très très rétro à soir, là. C'est quand même fou. J'adore ça. Fait qu'on s'en va en conclusion. Oups. Chris, j'avais mis pause puis il n'a pas fait de pause. Bon, on s'en va en conclusion. À tous les spectacles, je me fuck sa conclusion. C'est là. Vrai, hein? Faudrait que je mette mon affaire sur l'autre panneau, peut-être. Faut que je revoie ça, là. Je m'accroche un piton, tout le temps. À tous les spectacles. Je vais préparer le raid, d'ailleurs. C'est vrai, on va raider des gens. Oh, raider sur Young Media dans les archives. Bon, parfait. Ça, on vous renvoie sur les 14 années de podcasting qu'on a fait. Exact. Je rappelle aux gens que Rétro Nouveau a pris vie en 2011. Mm-hmm. Et puis toi, t'es arrivé pas longtemps après. 2012, je suis arrivé, moi. Ouais, genre, mais tu sais, quand même, t'en as tellement fait. On fait comme si t'étais là depuis le début. Oui, on va se le dire. J'ai manqué les 36 premiers épisodes audio, that's it. Exact. 36, OK. T'avais ce chiffre-là, t'es allé vérifier. Non, je pense que je suis arrivé dans les vingtaines, puis j'ai commencé à filmer au début. Ah, c'est peut-être ça. Je me souviens plus. Ah, je m'en rappelle pas, mais... T'es arrivé assez tôt, oui, effectivement. T'es arrivé assez tôt, en effet, là, tu sais. Fait que, tu sais, c'est drôle parce qu'aujourd'hui, j'écoutais le podcast de Jer Alain, qui reçoit quelqu'un que je connaissais pas. S'il y a encore des auditeurs qui sont là, je serais heureux de savoir que c'était un podcast avec Rémi Villemur, qui est catégorisé comme quelqu'un très à droite, apparemment. Okay. Je connais pas Rémi Villemur. C'est la première fois que je l'entendais parler de ma vie. Et puis, j'étais intéressé par ses propos, quand même. Des fois, j'étais en accord, des fois, j'étais en désaccord, mais c'était intéressant. Et puis, pourquoi je dis ça? C'est parce que Rémi Villemur a commencé un podcast il y a 6 mois. Puis là, tu sais, okay, tout le monde commence des hosties de podcasts présentement. Là. N'importe qui font des podcasts. Nous autres, ça fait... Ouais. Pour vrai... On s'en rend pas compte. Ça fait 15 ans. Ça fait 14 ans, bientôt. Moi, ça fait 16 ans au moins que je fais du podcasting. Là. Ah ouais. 2009, genre, je faisais Jeff et compagnie. C'était mon premier projet. Jeff et compagnie. J'ai ça quelque part, là. Mais oui, j'avais commencé là, là. Fait que ça fait un bon bout que je suis là-dessus, là, moi. Là. Ah ouais. Assassin's Frank, qui dit que son bout préféré, c'est le segment AI. Conversation très intéressante. La première fois que j'entendais des arguments aussi intéressants en faveur de l'AI. Bon. Ça, c'est étrange, ça, parce que moi, je suis quand même très en faveur de l'AI aussi, mais il faut... On parle souvent des chambres d'écho, mais c'est peut-être ça aussi, des fois, là, t'es dans des gens qui pensent pareil, fait que tu vois pas l'autre côté de la médaille, là. C'est pour ça que je veux avoir, moi, des discussions avec du monde qui sont contre l'AI, mais qui sont pas, genre, enragés après moi, là, mettons, là. C'est ça. Je veux avoir les deux côtés, puis qu'on trouve ça, mais c'est ça, là. Voilà. Non, mais moi, je suis prêt aussi dans des discussions, puis il faut laisser aller des points, puis admettre que c'est comme, OK, non, ça fait du sens. Les copyrights font du sens. Il y a du monde qui perd de l'argent. Ouais. Copyright d'Elvis, c'est Elvis, là. Elvis, il a créé de la musique en se basant sur d'autres affaires, là, il y a, tu sais, des centaines d'années. Mais bon. Mais ça partira pas, là. C'est ça, c'est le problème, et c'est là que ça s'en va, là. Malheureusement, non. Si vous êtes contre ça, là, c'est... On s'en va là-dedans, là. On va se péter la gueule là-dedans. Il faut pas que les artistes soient non plus, tu sais, comme violés. Non, non, totalement. C'est ça que je dis, ça prend un entre-deux. Faut que tu protèges les droits de tout le monde là-dedans. Là. Exactement. Fait que c'est des discussions. C'est ça. Puis, SSS Frank écoutait le podcast de Jay Allen aujourd'hui, justement. Donc, c'est un podcast intéressant. J'essaie d'écouter ça. J'écoute des affaires de gauche, j'écoute des affaires de droite. Puis j'aime bien me faire l'idée. D'ailleurs, je rappelle aux résidents de Montréal que, de la province, que les élections municipales vous s'en pouvez aller voter par anticipation. En fin de semaine, si vous voulez, dimanche, je pense. Moi, j'ai ça sur ma liste. Là. Oui. Aller voter pour ma mairesse comme la dernière fois. Là. Ah oui, elle fait une bonne job. Moi, je l'aime bien. Et puis, je rappelle aussi aux gens que les élections municipales sont les élections où est-ce que les gens vont le moins voter. Et ça, c'est une crise de honte. Intéressez-vous à ce qui se passe. C'est là où est-ce qu'il y a le plus d'impact. C'est là que vous allez avoir de l'impact sur vos vidanges, sur votre déneigement, sur ils vont-tu bâtir une bibliothèque au coin de la rue. Ouais, exact. Ou, tu sais, comme c'est super important. Plus tu montes, moins ça va être dans vos vies directes, là, ce qui se passe. Exactement, exactement. Fait que, checkez ça. Fait qu'on va aller se coucher, nous autres. Ouais, on est rendu là. Yes. Merci, tout le monde. Et puis, à très bientôt. Dans 2 semaines. Bye tout le monde. Bye.